Sur l'ouest, niveau température 23 à 27 degrés. Dimanche, 20 à 25 degrés. Un temps sec dans l'ensemble. De temps en temps, un petit nuage par-ci par-là. Et puis, retour du soleil, du ciel bleu et de la chaleur dès lundi. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Et c'est une information RTBF. Une des trois terroristes arrêtées en France la nuit dernière a des accointances avec la Belgique. Une manifestation le 16 septembre à Charleroi marche en solidarité avec les travailleurs de Caterpillar. Les patrons de la région ont confirmé ce matin leur engagement. Ils tenteront d'embaucher les travailleurs licenciés. Certains profils sont très intéressants. Une nouvelle campagne lancée à Bruxelles, la campagne Bill, pour une consommation raisonnable de l'alcool chez les jeunes. Mais au fait, quand peut-on parler de consommation raisonnable ou de dépendance? Miguel Allo a tenté de le savoir dans un centre de désintoxication. Les premiers concernés le constatent rarement seuls. Mon épouse s'était rendu compte que je buvais de plus en plus tôt le matin. Il paraîtrait, mais ça j'ai très vague souvenir, que j'arrivais même à lui demander de me chercher 6 bières avant de me lever. Un reportage dans ce journal. Nous en avons en permanence 129 à la maison, 17 qui ne sont plus en état de fonctionner. Les piles sont aujourd'hui recyclables et nous sommes champions d'Europe en la matière. Direction le stade Roi Baudouin où le mémorial Ivo Van Damme ouvre ses portes dans un instant. 45 000 spectateurs sont attendus, pas tous des spécialistes de l'athlétisme d'ailleurs. Le journal sur Vivacité, c'est avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Du soleil, de 20 à 25 degrés au thermomètre. Vous êtes nombreux à profiter de cet été qui se prolonge. Bah oui, la semaine a été magnifique, c'est pas fini. Vous l'avez entendu, on attend jusqu'à 26 degrés demain, ce sera moins bien dimanche. Et puis c'est le retour des températures tropicales, plus de 30 degrés annoncés à partir de mardi prochain. Bref, l'été joue les prolongations, personne ne s'en plaint. Et David Riffon est allé à la rencontre de quelques flâneurs dans les rues, ils font le plein de vitamine D. C'est mon temps de midi, donc j'en profite pour prendre du soleil parce qu'après je suis enfermée. Vous pouvez sortir tous les jours ? Oui, je sors quasiment tous les jours sur le temps de midi, j'ai besoin de m'aérer, oui. À 9 septembre, en chemise, c'est très rare, hein. Vous en profitez vraiment ? Oui, vraiment, énormément, presque tous les jours, un maximum, histoire d'avoir un peu autre chose que l'appartement ou le boulot, surtout. Oui, ça fait vraiment plaisir et ça, c'est bien, au mois de septembre, qu'il fasse comme ça. Vous venez d'abord pour les Pokémon ou d'abord pour le beau temps, prendre un peu l'air ? Prendre l'air aussi, hein. Tant mieux, tant qu'il y a du soleil, en Belgique, on s'en plaint pas. En profitant, en mangeant un sandwich, je vais venir au soleil. Une des jeunes filles arrêtées hier soir en France pour tentative d'attentat a des liens avec la Belgique. En tout cas, la brigade antiterroriste a arrêté trois personnes, trois femmes hier. C'est lié, vous le savez, à la découverte des bonbonnes de gaz dans un coffre d'une voiture à Paris. La principale suspecte a 19 ans, Patrick Michel, et on lui découvre aujourd'hui des liens avec la Belgique et avec les terroristes de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Elle s'appelle Inès Madani, elle a 19 ans. En janvier dernier, elle est entrée en contact avec un jeune de Charleroi. La toile de fond, ce sont des affaires de stupéfiants, mais les personnes concernées sont aussi radicalisées. Et les propos échangés sur les réseaux sociaux vont alerter les autorités judiciaires. Plusieurs individus seront arrêtés en deux étapes, dont le proche d'Inès Madani. Il est sous les verrous à Charleroi depuis mai dernier. Deux autres Carolo avaient aussi tenté de gagner les zones de combat en Syrie. Ils sont également en détention. Un soulagement pour les enquêteurs belges, car après les récents événements parisiens et les liens d'Inès Madani sur les réseaux sociaux, certains de ses amis auraient pu être tentés à leur tour de passer à l'acte. À Charleroi, les pompes funèbres ont sur les bras un cadavre bien encombrant, celui de l'agresseur des deux policières le 6 août dernier. Souvenez-vous, il avait grièvement blessé deux policières à la machette avant d'être abattu. Le corps devait être rapatrié en Algérie. Le consulat d'Algérie n'a toujours pas donné son autorisation. Ce vol pas banal. Les fers montent au début de la semaine à Télin, dans l'atelier d'Olivier Baudry, un artisan qui réalise des cloches et des cadrans pour les églises. Le butin, une vingtaine de cloches, un stock de métal, des câbles, des machines et de l'outillage, le tout pour une valeur de 25 000 euros. Ce qui chagrine le propriétaire volé, c'est que 13 des cloches volées étaient des pièces de collection. Elles risquent d'être détruites, histoire de récupérer le métal. 13 pièces uniques qui devaient être exposées tout ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine. La police a ouvert une enquête. La mobilisation des travailleurs de Caterpillar. Le 16 septembre, vendredi prochain, ils manifesteront une marche pour l'emploi, une mobilisation pour dire stop aux logiques financières inhumaines, 15 jours après donc l'annonce de la fermeture du site de Gosselies. Les travailleurs de Caterpillar Grenoble, où la production Carolo doit être transférée, annoncent une délégation sur place ce jour-là. Alors aujourd'hui, le ministre Wallon de l'économie a rencontré les banques et les sous-traitants, histoire d'essayer de mettre en place des solutions pour les entreprises et les travailleurs impactés par la décision de fermeture. De son côté, Paul Magnette a rencontré les entrepreneurs Carolo. Ils sont prêts à engager prioritairement des travailleurs licenciés par Caterpillar. Dominique Demonté, au nom des patrons de la région, rappelle que les travailleurs de Caterpillar sont des travailleurs recherchés. On pense évidemment principalement à des gens qui sont pour des agences d'intérim, à des sous-traitants, puisque bien entendu le personnel de Caterpillar, lui, il y a toute la procédure qui est en place, et donc eux doivent attendre de voir comment ça se passe avant de parler de reconversion dans les palans qui les concernent. Est-ce qu'il y a un intérêt en nombre aujourd'hui dans le chef des entrepreneurs? Oui, évidemment. Je pense que la logique des travailleurs de Caterpillar est la même pour les sous-traitants, qui sont aussi des gens qui ont été habitués de travailler avec des sociétés très exigeantes et donc qui sont par définition des sous-traitants performants. Oui, il y a de la place. Alors, est-ce qu'on va pouvoir résorber tous les emplois en l'espace de 6 mois? La réponse est non. Je pense qu'ils n'auraient pas le taux de chômage qu'on connaît en région Wallonne et plus particulièrement sur Charleroi. Donc la question, c'est quelles sont les politiques de développement industriel qu'on va pouvoir mettre en place sur Charleroi en s'appuyant, et ça c'est mon avis, sur les filières fortes qu'on a aujourd'hui sur Charleroi. Dominique Demonté, au nom des patrons de la région de Charleroi, à propos des travailleurs de Caterpillar, mais aussi des travailleurs sous-traitants. En parlant de sous-traitants, chez Carwal à Sombref, les 220 travailleurs espèrent conserver une partie de leur production. Direction et syndicats se sont rencontrés en conseil d'entreprise ce matin. 90% du chiffre d'affaires de Carwal est lié aux activités de Caterpillar. Ils espèrent, les travailleurs, pouvoir produire pour le site de Grenoble qui récupère, on l'a dit, une partie de la production de Gosselies. Et si on votait demain, qui gagnerait les élections, Manu? Alors, selon le sondage de la RTBF, la Libre et Dedicated Research, peu de choses changeraient. Les enquêteurs de l'Institut de sondage ont posé la question à 3000 Belges à peu près. Avec nous, Pierre Magos du service politique de la RTBF. Bonsoir. Bonsoir Manu. Alors Pierre, en Wallonie, le PS dégringole toujours. Oui, la tendance enregistrée de sondage en sondage depuis les élections de mai 2014 se poursuit effectivement. Le PS ne récolte plus qu'un peu plus d'un quart des intentions de vote, alors qu'il y a 2 ans, il représentait encore près d'un tiers du corps électoral en Wallonie. Et même si le MR continue lui aussi à perdre des plumes, il réduit son retard sur le rival socialiste. Les réformateurs talonnent désormais le PS à 2,5%. A l'inverse, la montée en puissance du PTB se confirme, aussi bien dans la perspective d'un nouveau scrutin régional que fédéral. Autour de 14%, le PTB serait troisième parti en Wallonie, devant le CDH, qui n'a pas enrayé l'érosion des intentions de vote en sa faveur, mais qui reste devant Écolo. Alors à Bruxelles, le hit parade est différent, mais on retrouve quand même les mêmes tendances, des tendances comparables avec les intentions de vote en Wallonie. En résistant plutôt mieux, le MR supplante le Parti Socialiste depuis plusieurs sondages déjà. Un PS désormais pointé sous les 20% à Bruxelles. Sur la troisième marche du podium, c'est Écolo qui progresse le plus à près de 13%, devant sans défi les ex-FDF qui stagnent. Et le PTB, cinquième en progression significative aux alentours de 7,5%, et qui est au coude à coude aujourd'hui avec le CDH qui perdrait, si on en croit le sondage, 3% de ses électeurs par rapport à mai 2014. Enfin, Pierre, en Flandre, peu de changements par rapport aux tendances enregistrées aussi depuis les dernières élections. Oui, effectivement, les trois partis, NVA, CDNV, OpenVLD, qui constituent la majorité régionale et l'aile flamande du gouvernement fédéral, ne se redressent pas. Le reflux de la NVA est parfaitement symétrique avec la progression du Vlaams Belang. Les socialistes et les Verts flamands grignotent bien un petit peu par rapport à mai 2014, mais pour leur part, pas très significativement. Merci Pierre Magos du service politique de la RTBF. C'est le lancement aujourd'hui de la campagne Bill à Bruxelles et dans le Brabant Wallon. Bill, c'est un petit peu comme Bob, sauf qu'ici il n'est pas seulement question de conduite. Bill va se promener aux 24 heures de Louvain, à la Saint-Verhague et dans les commerces de Bruxelles et du Brabant Wallon avec des autocollants, des sacs de course. Il va sensibiliser les jeunes par rapport à leur consommation d'alcool. Mais au fait, c'est quoi une consommation raisonnable? Quand devient-on dépendant à l'alcool? Que boire un verre ou deux tous les jours est problématique. Miguel Allo s'est rendu dans un centre de jour, l'Orée, un lieu d'accueil pour des personnes dépendantes, entre autres à l'alcool. À 56 ans, Jean-Marc se retrouve pour la deuxième fois dans ce centre de jour. La première fois, il y est resté 10 mois. Aujourd'hui, le voilà reparti pour tenter de mettre un terme à sa dépendance à l'alcool. Une dépendance qui s'est installée lentement depuis son adolescence. Son travail dans l'horeca ne va pas l'aider. Et puis un jour... Mon épouse s'était rendu compte que je buvais de plus en plus tôt le matin. Paraîtrait, mais ça j'ai de très vagues souvenirs, que j'arrivais même à lui demander de me chercher 6 bières avant de me lever. Elle s'en est rendue plus vite compte que moi de cette dépendance à l'alcool. Je ne pensais pas être alcoolique. En plus, en termes, j'en ai pris conscience vraiment quand mon généraliste m'a clairement dégoûté. Monsieur, là, vous rentrez en cure parce que, bref, fait pour vous, là, vous êtes trop loin. Jean-Marc va dans la foulée se séparer, perdre son travail et se retrouver à la rue. Mais alors, quels sont ces symptômes qui doivent nous alerter d'une dépendance problématique à l'alcool ? Manuel Dupuis, psychologue au centre de jour Loré. La dépendance dite problématique, c'est plus une dépendance où il y a un déséquilibre psychomédico-social. Ça veut dire que la personne va commencer à rencontrer des problèmes sociaux et familiaux, des problèmes de couple, des problèmes familiaux, des problèmes professionnels. La personne ne va plus aller travailler, va rencontrer des problèmes médicaux, des problèmes par exemple au foie, des problèmes de santé mentale, etc. Et des problèmes psychologiques, comme la dépression, des angoisses terribles. N'oublions pas l'addiction, un comportement compulsif qui peut se greffer à ces symptômes. Quoi qu'il en soit, dans le doute, n'hésitez pas à consulter un spécialiste. On parle d'une médaille d'or pour les Belges, médaille d'or du recyclage des piles. Ouais, c'est le bonjour pour en parler parce que c'est l'anniversaire, figurez-vous, de la naissance d'Alessandro Volta, l'inventeur de la pile électrique. Nous sommes donc les meilleurs recycleurs de piles en Europe, 115 millions récoltés l'an passé, grâce à vous mais grâce aussi à Bebat, le leader chez nous dans ce secteur. Neil Peters est responsable du marketing chez Bebat, elle nous explique pourquoi la Belgique est numéro 1. On est le numéro un parce que on a le taux de collecte le plus élevé de l'Europe. Parce que depuis 20 ans, Bebat insiste sur la collecte des piles. On a un réseau de collecte qui est très connu. Chaque année, on fait plusieurs actions. Par exemple, cette année, on a fait une action où les élèves pouvaient remporter un concert dans leurs écoles. Donc, l'école qui collectait le plus de piles par élève remporter donc un concert de Jali dans l'école. On essaye de toujours motiver tous les Belges pour rapporter les piles parce que on n'est pas toujours conscient qu'une famille en moyenne, ils ont 129 piles à la maison, dont 17 sont vides. Neil Peters, responsable marketing de Bebat avec Julie Buron. Alors le Belge recycle les piles. Il n'achète plus de musique, en tout cas plus de CD. Non, le vinyle, le bon vieux 33 tours fait un retour, mais ce que les Belges font de plus en plus, c'est d'écouter de la musique en streaming. Le nombre d'abonnements payants a progressé de 82% au premier semestre comparé à 2015, chiffre fourni par BEA, la Fédération des producteurs de musique. Ce qui marche, c'est Spotify, Apple Music ou encore Deezer. Ça permet à l'industrie de la musique de progresser malgré les mauvais scores du CD et du téléchargement, et ça ne devrait pas s'arrêter, Romain Bardet. Le streaming payant, c'est un abonnement qui permet d'écouter de la musique en direct via Internet sans devoir télécharger le morceau. Les Belges en sont toujours plus friands. Pour ce premier semestre, ils représentent un tiers des ventes pour un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros, de quoi bientôt rattraper le CD et ses 45% de parts de marché. Le streaming qui séduit notamment cette génération habituée aux téléchargements illégaux, d'après Olivier Metterlink, directeur de BEA. Une partie de cette génération, on la récupère par biais des services de streaming parce que les services de streaming justement répondent à la demande d'avoir, quand on veut, toute la musique qu'on veut à disposition. 40 millions de titres, c'est la cave d'Alibaba quelque part. Et cela ne concerne pas que les jeunes, vu la variété de musique proposée. Et selon Olivier Metterlink, la marge de progression en Belgique est énorme. Il y a encore beaucoup de potentiel quand on compare à des pays voisins comme les Pays-Bas où le marché est 5 fois plus grand. Tandis que le Pays-Bas est un pays qui a environ une fois et demie plus d'habitants que la Belgique. Donc il y a un potentiel énorme dans les pays scandinaves, Suède et Norvège plus en particulier. 80% du marché est digital. Le streaming qui devrait donc à terme s'imposer chez nous aussi, mais pas de quoi faire totalement disparaître CD, vinyle ou téléchargement légaux, prédit Olivier Metterlink. D'ailleurs, le vinyle, objet de collection, a vu ses ventes bondir de 30% en ce début d'année. 40 000 personnes sont attendues ce soir au stade Roi Baudouin pour le mémorial Ivo Van Damme. Le Van Damme, c'est le rendez-vous de l'athlétisme. La 40e édition s'offre 16 champions olympiques, du beau monde, du beau spectacle pour des spectateurs très motivés ou très curieux, mais pas toujours très avertis. C'est la première fois qu'on vient assister au Van Damme. On vient soutenir Nafisa Diaou, par exemple. Diam. Nafisa Toutiam. Nafisa Toutiam, excusez-moi. Donc je dis, il faut que j'aille soutenir cette fille-là parce que, voilà, c'est super. Les petits Belges, on n'est pas des cons. À droite, vers le Kinépolis. Vers le Kinépolis, voilà. Ça parfait. Merci. Je peux vous demander s'il y a déjà beaucoup de monde ? Par rapport aux autres années, depuis midi, il y a déjà pas mal de monde qui vient demander, poser des questions, demander aussi s'il y a encore des tickets disponibles. Voilà. Je peux vous demander ce que vous faites ? J'essaie de trouver une place et je crois que ça va s'arranger. En plus, je croyais que c'était désespéré, puisque en général, c'est assez comble. Et donc, j'ai la chance d'avoir une charmante demoiselle déjà. Et qui va me trouver une place. Donc les gens ne doivent pas désespérer, ils peuvent encore venir cet après-midi pour venir en chercher. Vous pensez jusqu'à quelle heure ? Nous, on sera là jusqu'à 8h. Des propos recueillis cet après-midi par Arnaud Montero qui couvre l'événement en radio avec David Bertrand et ce sera à suivre sur Vivacité après le 5 à 7. Bien oui, sûr. Alors tout à l'heure, on aura un des acteurs du Mémorial Van Damme, le speaker, vous savez, celui qui met l'ambiance entre tout le monde, entre tous les passages. Et ben, il sera avec nous tout à l'heure en direct dans un petit quart d'heure. Nafis à tout, tiens. C'est effectivement, quand on va vite, c'est pas toujours facile à dire. Ça, je reconnais. Merci Manu, on vous retrouve tout à l'heure à 17h30. Pour RTBF Mobile Info, tout de suite, comment ça se passe sur les routes? La réponse avec Laurent Deboeuf, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour et bonjour tout le monde. Eh bien, ça se passe tout d'abord avec les suites d'un véhicule en feu sur le 19 Mons-Bruxelles, peu après Aubourg, donc des fils qui remontent soit depuis Nimy, donc 7 km, 20 minutes de perdu donc suite à cela en direction de Bruxelles. Plusieurs accidents à signaler, donc tout d'abord sur le 42 Namur-Mons en bande de gauche à hauteur d'Oudin, des fils engendrés suite à cela et qui remontent depuis Manage en direction de Mons. Soyez patients si vous êtes dans ces fils. Accident également sur la Nationale 59 Gauzé-Senef à hauteur de Gouy-les-Piétons. C'est en bande de droite en direction de Senef. Un véhicule en panne, ça par contre c'est à Bruxelles, c'est sur la petite ceinture. Il se trouve dans le tunnel Rogier en bande de gauche en direction du midi. Une petite ceinture où vous êtes évidemment ralenti comme tous les jours. Cela coince aussi sur le ring sans surprise avec pour les tronçons les plus encombrés entre Zaventem et Grand Bigard. On a 18 minutes de perdu sur ce tronçon intérieur. Zaventem et le carrefour Léonard comptaient 9 minutes et on nous signale aussi qu'entre Anderlecht et Bercel il y a 30 minutes de ralenti. Et donc beaucoup de patience aussi si vous êtes dans ce secteur. Et puis on va terminer avec les travaux qui vous ralentissent comme chaque jour sur le 40 Aix-la-Chapelle, donc le chantier de Cherat. On a actuellement 10 km de fil en direction de l'Allemagne, ce qui vous fait perdre 50 minutes et par contre 3 km uniquement en direction de la capitale. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Eh ben c'est parti, c'est le dernier de la semaine déjà, jusque 19h, on va passer 2h ensemble et je ne serai pas tout seul ce soir parce que oui, Ophélie Fontana viendra me voir tout à l'heure et viendra vous retrouver pour l'image du jour, mais il y a aussi une star qui sera là et les femmes de la radio n'en peuvent plus depuis qu'elles savent que Marc Lavoine vient aujourd'hui, c'est la folie, tout le monde veut assister à ce 5 à 7. Marc Lavoine sera là dans pas très longtemps. Marc Lavoine, dans quelques minutes dans ce 5 à 7, il viendra nous parler de son nouveau projet Les Souliers Rouges, nouvel album qui sort aujourd'hui. On en parle dans quelques minutes. Dans l'actu aussi aujourd'hui, cette annonce de la police concernant les cambriolages. On rentre bientôt dans la période où il va faire sombre plus tôt et c'est une période propice aux cambriolages. Alors il y a un conseil qui a attiré notre attention aujourd'hui, il concerne principalement les seniors puisque la police demande à ce que les seniors aient des chiens parce que ça dissuade les cambrioleurs. On revient sur cette info dans un instant dans le 5 à 7 sur Vivacité. On prendra la température au Mémorial Van Damme aussi tout à l'heure avec le speaker Philippe, c'est lui que vous entendez si vous allez ce soir dans le stade, c'est lui que vous entendrez dans les haut-parleurs du stade, c'est lui qui vous accompagnera tout au long de la soirée. Il sera en direct tout à l'heure dans ce 5 à 7 également, le cactus de Jérôme de Warzé. Et alors on reviendra sur une annonce de la journée, l'Eurovision se déroulera à Kiev, on le sait depuis quelques heures, mais cette ville n'a pas été choisie n'importe comment et c'est une histoire digne d'une série policière. On y revient avant 19h dans le 5 à 7. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et classe. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du beau vélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte.

autant qu'un autre être vivant ou un autre pet, comme disent les Anglais, ben, ça demande de l'entretien, ça demande des sorties, ça demande d'être nourri et d'être soigné. Donc, ça peut entraîner des inconvénients pour les personnes âgées, ça c'est clair. Bon, imaginons que tout se passe bien, on a le chien à la maison, on ouais. arrive à s'en occuper, à le sortir, après il faut encore le dresser à faire peur aux voleurs alors ? Non, ça je suis pas convaincu. Ça on fait pas, d'accord. Tout. On fait quoi alors avec ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans mon idée, un chien qui se sent bien chez lui se sent, au sens littéral du mot, dans son territoire. D'accord, donc il n'y a rien à faire tout seul. Il va le défendre systématiquement. Le plus bel exemple que je puisse vous donner, c'est encore la mienne. Ça fait 30 ans que je suis dans le chien. Tous les chiens qui se sont succédés ici, je n'ai jamais été victime ni d'une agression venant de l'extérieur, ni d'une tentative d'intrusion chez moi. Et donc, aucun dressage particulier à avoir pour cette protection. Je ne pense pas qu'il faille en arriver systématiquement à susciter l'agressivité, voire le mordant du chien. Faire ressortir une race en particulier, pour les seniors justement, qui pourraient se sentir peut-être plus protégés, suivre les conseils de la police, on irait vers quoi ? Si en fonction... pour moi, un bon modus vivendi, un bon moyen, je dirais que un berger allemand serait très bien. Ah oui, ça impose quand même déjà, c'est pas rien. Ben, ça impose, mais si vous l'avez en fonction de l'âge évidemment et d'autres situations qui malheureusement que nous Club Canin vivons à longueur d'année, c'est-à-dire de pauvres chiens qui sont abandonnés dans les refuges, c'est en général ce genre de chien moyen, parce qu'il y a beaucoup plus grand que ça, hein, mais c'est ce genre de chien moyen qui en général s'attache énormément, très vite, tant à leur maître qu'à leur habitation, même par reconnaissance, et qui n'ont pas forcément besoin, de training particulier pour arriver à avoir, à manifester quelque chose d'inné chez eux. Ah bah c'est sûr que si on se retrouve face à un berger allemand, on fait a priori pas le malin. Merci beaucoup Dominique Lacroix d'être passé ce soir. Je vous en prie. À bientôt, au revoir. Dans la suite de ce 5 à 7, Marc Lavoine sera l'invité de cette émission. On va parler des Souliers Rouges, son nouveau projet musical, et puis on prendra la température au Mémorial Van Damme. Ça démarre tout à l'heure et ce sera à suivre ce soir en direct sur Viva. Dans mon magasin de Reusbrook, je vous propose tout pour embellir votre intérieur et je pose gratuitement tapis et vinyle à partir de 9,99€ le mètre carré. 9,99€ le mètre carré. Voir conditions en magasin. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché. Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood. BJ Scott. Steve Barrow. Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec vivacité. Une place près d'un mur. Attention à ma voiture. Check à gauche, check à droite. Ferme la porte et puis s'en va. Avec les caméras 360 degrés, se garer est un jeu d'enfant. Profitez de nos Techno Deals du 8 au 17 septembre. Il y a déjà un Nissan Qashqai à partir de 19 990€. Nissan. Innovation that excites. Offre soumise à condition. Olivier, qu'est-ce que tu fais ? J'inspire le quartier. Comment ça ? Je participe à l'appel à projet de Bruxelles Environnement. Pour lancer un potager collectif ou un atelier cuisine avec mes voisins, par exemple. Et ils offrent un accompagnement et un soutien financier. L'objectif, c'est de rendre le quartier plus durable. Génial ! Je participe. Inspirons le quartier. Plus d'infos sur environnement.brussels ou appelez le 02 775 75 75 ou rendez-vous à la séance d'information du 20 septembre. Bruxelles Environnement. Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape liégeoise comme si vous y aviez participé. Avec les initiations sportives de l'ADEPS, les milliers de beaux héros escortant Cathy Melen dans sa cité ardente et le concert Debout Citoyen de l'Opéra Royal de Liège avec la participation exceptionnelle de Suarez et Alison Zerouf. Ce dimanche après-midi sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Suivre un cours du soir à la Netherlands Academy et pas dans une autre école de langue, qu'est-ce que cela apporte de plus ? Yann, professeur. De Netherlands Academy. La Netherlands Academy propose un programme 7 jours sur 7. Eén avond per week les. Une soirée par semaine en cours. De mogelijkheid om gratis onze conversatie. Ensuite, l'élève peut fréquenter gratuitement le club de conversation les autres jours de la semaine. Dat is ongezien. C'est du jamais vu. Netherlands Academy. La porte qui ouvre les portes. Programme du soir 7 jours sur 7 sur 4 mois. Info sur nedaka.be. Thank you. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Vivacité et la Une présente Italia Chevetogne, le plus grand rassemblement de la communauté italienne de Belgique avec un seul maître mot, authenticité. Cet événement se déroulera les 10 et 11 septembre 2016 au domaine provincial de Chevetogne. Plus d'infos sur l'événement Facebook Italia Chevetogne 2016. Il est 17h30, voici les titres de l'actu avec Manu Delporte. Trois terroristes présumés arrêtés cette nuit en France, des femmes, des jeunes femmes suspectées de préparer un attentat, d'être liées à cette voiture sans plaque garée dans le quartier Notre-Dame de Paris, une voiture dans laquelle on avait retrouvé 5 bonbonnes de gaz. Le procureur de la République, François Molins, doit communiquer dans un instant des détails dans le journal de Delphine Vreux dans une demi-heure. Et puis, liée à ces arrestations, cette information exclusive de l'RTBF, une des 3 terroristes arrêtés en France a des liens avec la Belgique, des comptes contact en tout cas avec des personnes suspectes dans la région de Charleroi, des liens aussi via les réseaux sociaux avec les terroristes qui sont intervenus dans l'église de Saint-Étienne du Rouvray où un prêtre avait été abattu cet été. Un camion de lait vidé aujourd'hui sur la route à Newkerk, c'est près de Comines à la frontière franco-belge. Une trentaine d'éleveurs français et belges ont stoppé ce camion qui collecte pour la coopérative Milcobel, c'est l'usine des 1000 vaches. Pour les syndicats agricoles, cette ferme-usine, c'est le symbole de la surproduction, une des causes de la chute des prix du lait. Nous en avons en permanence 129 à la maison, 17 ne fonctionnent plus et la bonne nouvelle c'est que le Belge les recycle. Nous parlons de piles. Les Belges sont champions d'Europe en matière de recyclage de piles. Et puis vous en parlerez dans un instant, c'est bientôt le mémorial Ivo Van Damme, il ouvre ses portes en ce moment. 45 000 spectateurs sont attendus pour peut-être des records, on ne sait jamais. Ah ben on l'espère, on va voir ça dans un instant dans le 5 à 7. Merci Manu. La météo tout de suite, Dominique. Le ciel sera bien dégagé ce soir et cette nuit, 11 à 14 degrés pour les minima. Et puis demain, sur le centre et l'est, un temps très lumineux, un peu plus de nuages du côté ouest. Mais il va faire à nouveau bien chaud, maxima 23 à 27 degrés. Dimanche, encore 20 à 25 degrés. Un temps sec dans l'ensemble, avec peut-être localement quelques nuages. Et puis le début de la semaine prochaine s'annonce dans le ciel bleu et la chaleur. Sur les routes, comment ça se passe? C'est Laurent Debeuf qui va nous le dire dans ce RTBF Mobile Info. Il y a toujours une grosse difficulté avec les suites de ce véhicule en feu. Donc c'est un mobilhome sur le 19 Mons-Bruxelles. Il se situe peu après au bourg et les fils remontent depuis Nimi. Donc 7 km de ralentissement où vous perdez 20 minutes en direction de Bruxelles. 2 accidents toujours à vous rappeler aussi. Le premier sur le 42 Namur-Mons en bande de gauche à hauteur d'Oudin. Là, les fils remontent depuis Manage et vous font perdre 10 minutes en direction de Mons. Accident également sur la Nationale 59 Gauzé-Senef à hauteur de Gouy. Les piétons en bande de droite en direction de Senef. On reprend la direction de Bruxelles avec ce véhicule en panne à vous rappeler sur la petite ceinture dans le tunnel Rogier. C'est en direction du Midi. Du côté du ring, cela coince bien entendu avec apparemment le tronçon le plus encombré se situe entre Anderlecht et Bercel où 30 minutes sont perdues. Donc pour les gens qui circulent en direction de Ytre, soyez évidemment patients si vous êtes là-dedans. Patience aussi suite au chantier de Cherat sur le 40 Aix-la-Chapelle Bruxelles. Le tronçon donc en direction de l'Allemagne est toujours le plus encombré avec 10 km de ralentissement et 50 minutes de perdu à cet endroit. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Dans quelques minutes, il sera là. Oui, Marc Lavoine sera dans le 5 à 7. Être seul, être là, être enfin. On parlera de son nouvel album Les Souliers Rouges avec entre autres Cœur de Pirate, ce sera dans quelques minutes. Direction le mémorial Van Damme aussi, juste après la pause, bougez pas. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. C'est vert. Eh oh, c'est vert. Quoi ? C'est vert, je te dis. Ben voilà, c'est rouge. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis. C'est vous qui voyez. Oh chérie, c'est ouvert! Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain! Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rhodes-Saint-Genèse, à côté de Dovi. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. 17h-19h, 5 à 7 sur Vivacité. Tous les soirs dans le 5 à 7, vous le savez, on parle de sport et ce soir, il y a un événement à ne pas manquer. Vous le suivrez d'ailleurs tout à l'heure dès 19h en direct sur Vivacité. C'est le Mémorial Van Damme. Alors au Mémorial, il y a des athlètes, bien sûr, il y a du public, beaucoup de monde, 45 000 personnes. Et puis un homme qui est au centre de cette cérémonie, Philippe Ouzio, qui est le speaker du Mémorial Van Damme. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Dans peu de temps, vous allez devoir bosser. C'est pas trop stressant de se retrouver au milieu du stade face à 45 000 personnes? Mais ce n'est pas stressant, on a toujours le trac, parce qu'effectivement, on se met à la place des athlètes. Je l'ai été tout un temps. La bonne nouvelle, c'est que je ne suis plus obligé de performer de la même façon. Et le trac, parce que forcément, il y a beaucoup de choses qui se passent et que notre rôle majeur est d'être un peu pédagogue, parce que dans les 45 000 personnes, il y en a un paquet qui ne connaissent pas vraiment l'athlétisme, qui ne viennent pas souvent. Et il y a tellement de choses qui se passent en même temps, il faut donc les rendre attentifs en même temps à un lancer, à un saut qui se prépare, à une course qui vient de se terminer, à une interview qui va avoir lieu, et le tout en le mettant quand même dans l'écran, les performances mondiales, européennes, voire belges, en fonction des chronos ou des distances qui sont parcourues. Vous parliez de performance mondiale. Alors cette année, il ne sera pas là, mais vous avez déjà eu l'occasion d'annoncer Usain Bolt. On se sent dans quel état quand on se retrouve face à un athlète de ce niveau-là? Mais d'abord, vous savez, c'est l'athlète qui a le plus long palmarès pour être présenté de la façon la plus courte possible, puisqu'il court en dessous de 10 secondes chaque fois, et qu'avec le minutage d'un meeting comme celui-ci, bien, il y a des choses à respecter, que vous avez le droit en tout et pour tout d'avoir entre 5 et 7 secondes pour présenter chaque athlète. Ah oui, ça va vite. Quand c'est Usain Bolt, on monte à 10 secondes, c'est-à-dire on le présente le temps qu'il fasse son 100 mètres, et puis après ça, on a la chance après ça de plus en parler pendant son tour d'honneur et pendant les interviews qu'il donne le long de la piste, mais effectivement, c'est pouvoir en peu de temps essayer de faire en sorte que le public l'applaudisse encore plus et que, comme chacune de ces vedettes qu'on connaît bien, qu'elles ajoutent un élément spectacle et une dimension à l'émotion que les gens vont vivre. Et en même temps, la façon dont ils vont peut-être transmettre, je parle des athlètes, cette flamme sacrée qui permettra à des jeunes de vouloir lancer, sauter, courir, etc. Il y a des bons moments qui sont prévus pour cette soirée, pour ce Mémorial Van Damme. Vous attendez quoi de particulier pour ce soir? Écoutez, je peux vous dire que nous allons avoir pendant 3 heures, ce sera un feu d'artifice, avant le vrai feu d'artifice, puisqu'il va y avoir en même temps une extrême émotion au travers de la présence des athlètes belges qui reviennent de Rio. Ouais. Il va y avoir un moment hors du temps avec cette remise de médaille d'or aux 4 fois 100 mètres qui, 8 ans après, va enfin pouvoir légitimement recueillir l'or qu'elles ont couru effectivement à Pékin s'il n'y avait pas eu cette affaire sordide une fois de plus de dopage d'une athlète russe. Mais nous allons surtout avoir en principe, je dis bien en principe, même si les conditions ne sont pas faites, deux tentatives avouées de record du monde. Le 5000 mètres féminin, avec la recordwoman du monde qui a battu, explosé même le record du monde de 10 000 mètres, c'était à Rio en 29 minutes 17 secondes et qui vise de 14 minutes 11 secondes. Et puis alors un deuxième record qui est programmé, mais vous savez qu'il faut que les jambes suivent, en 3000 mètres ski par les soins d'un des nombreux Kenyans. Et à côté de ça, en plus, on parle de deux performances, ou en tout cas deux affrontements sur 100 et 200 mètres avec les meilleurs athlètes du monde et les podiums de Rio. Et si vous pouvez constater que dans la plupart des épreuves, il y aura des médaillés de Rio. Il y en aura une quarantaine au total pour fêter dignement le 40e anniversaire du 29. Vous voyez qu'à tout moment, il va y avoir du prestige, l'envie d'en savoir plus sur l'athlète, l'envie de savoir comment le mieux le suivre sur le terrain. Donc ce seront trois heures intenses, tout à la fois pour les spectateurs et bien entendu pour les commentateurs que nous sommes, puisque j'ai un collègue néerlandophone, Yann de Vangaard, qui fait ça pour la partie néerlandophone. Et nous nous complétons parfaitement, nous faisons ce qui est assez rare en athlétisme, un relais avec uniquement deux athlètes et deux voix. Et bon, on vous souhaite plein de courage, que tout se passe bien ce soir, et on suivra bien sûr le Mémorial Van Damme tout à l'heure dès 19h en direct aussi sur Vivacité. Bon travail Philippe. Merci. 5 à 7. Être seul, être là, être enfin face à soi-même. Je vous l'ai promis, il est arrivé, Marc Lavoine est mon invité ce soir dans le 5 à 7. Bonsoir Marc. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Alors on va parler des Souliers Rouges, votre compte musical dans un instant. Juste avant, est-ce que vous pouvez faire un kiff d'animateur, parler, juste qu'on entende votre belle voix à la radio. Mais écoutez, bonjour, merci de me recevoir, c'est une joie d'être avec vous. J'espère que vous avez passé un bel été. C'est frustrant quand on est animateur, d'entendre une voix pareille. Vous faites quoi pour avoir cette voix-là? Non, rien, c'est un don. Ma mère me l'a donné, je la remercie. Et vous forcez parfois ou pas? Forcer. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des moments où vous pouvez monter? Oui, il y a des voix pour certains rôles, par exemple, on me demande de parler ou bien dans le bas ou plus dans le haut. C'est un peu comme dans la chanson, ça impacte différemment les sentiments. Vous êtes hypnotisant quand vous parlez. Les Souliers Rouges, c'est le compte musical qui sort là dans quelques jours. Parlez-nous de ce projet sur lequel on vous attendait peut-être pas à la base, et vous arrivez avec tout un univers, une belle histoire. Je ne m'y attendais pas non plus d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est un long projet, ça a commencé il y a 8 ans. Ça a pris plusieurs formes avant de trouver sa forme, celle que vous connaissez, c'est-à-dire un disque assez aéré avec pas de batterie, pas de clavier électronique. Enfin, on a essayé de travailler avec des instruments aériens, justement, qui enlevaient la temporalité, qui suspendaient dans l'air la musique directement. Parce que l'idée était de faire un conte musical qui soit la bande originale d'un ballet. Et donc, le ballet, c'est la danse, c'est comme des oiseaux qui sont en suspension, presque ralentis dans l'espace. Et fallait trouver une forme de délicatesse. Alors oui, on a bossé, j'espère que ça va plaire. C'est la 40e version, alors c'est quand vous dites que le projet a pris une tournure différente du départ, il y a eu plusieurs versions avant? Ben oui, parce que le projet a mûri, c'est vrai que ces personnages, cette histoire, le conte d'Andersen, mes influences personnelles avec La Beauté du Diable ou bien L'Enfer de Clouseau, mon envie, mon désir de mettre les femmes au centre du jeu et de montrer que les femmes sont souvent sacrifiées, c'est quand même aussi ce que ça veut dire, cette histoire musicale, par deux hommes. Les hommes ne peuvent pas s'empêcher de ne pas supporter le mystère d'une certaine façon. Et la femme, c'est le mystère pour l'homme. On a l'impression que l'homme voudrait mettre des mots sur tout et donner des explications à toute chose alors qu'on ne peut pas le faire. Mais ben, c'est un peu l'histoire du monde. Donc on a essayé de résumer la vie, l'amour, la mort avec ces trois personnages, un maître de ballet, une danseuse chanteuse et puis un garçon qui écrit à côté, qui tombe amoureux. Elle ne doit pas tomber amoureuse, ce qui est un peu le piège du jeu. On va découvrir ça sur l'album Les Souliers Rouges. Quand on l'écoute, on ne peut pas faire autrement que de s'imaginer des scènes. On se crée son propre univers visuel. Il y aura une partie spectacle plus tard, c'est prévu? Je suis exactement dans la même position que la vôtre. C'est-à-dire que j'ai imaginé avec Fabrice Aboudka des chansons, des tableaux, présenter des personnages, essayer de raconter une histoire. Je pense qu'on y est parvenu. En une vingtaine de chansons, on a réduit à 15 titres sur un disque, parce que ça nous paraissait être pas mal comme bande-annonce, ou en tout cas comme bande originale du film imaginaire ou du ouais. ballet imaginaire, que quelqu'un, j'espère, un jour, peut-être demain, qui sait, aura envie de prendre en main. Un grand chorégraphe ou... C'est si ça marche ou c'est vraiment... Si ça plaît à cette personne-là. Vous savez, on jette des bouteilles comme ça, ce disque, à la mer, dans l'océan de la vie, et va-t-il s'échouer ou bien va-t-il trouver une personne qui va aimer l'entendre, aimer l'imaginer, un homme qui serait ou une femme qui serait chorégraphe, maître de ballet, et qui pourrait mettre en scène un spectacle comme celui-ci. C'est ça le rêve, c'est pour ça qu'on a fait ce disque. L'appel est lancé alors. Absolument. Si on peut aider à ce que ça se concrétise et que ça arrive sur scène, bah voilà, ça fera plaisir. Donc vous bossez sur cet album avec Cœur de Pirate, avec Arthur H. Oui. Est-ce que c'est l'aboutissement d'un délire entre amis, ou en tout cas d'une envie entre amis, où il y avait vraiment une volonté dans votre carrière de passer par cette étape? De passer par ce conte musical. Arthur et Béatrice. Oui, voilà, comment vous êtes retrouvés? Pas du tout. On s'était croisés avec Béatrice, on avait chanté ouais. une fois le Paradis Blanc ensemble. Arthur, je l'avais croisé aussi, mais on ne se connaissait pas. On a cherché des personnes avec lesquelles je pouvais partager cette histoire-là. Avec la maison de disques, on s'est fait des rendez-vous, ouais. des réunions, et des noms ont été évoqués par le directeur artistique de chez Barclay. Béatrice et Arthur H. Et j'ai trouvé que les deux idées étaient très pertinentes. C'est un très bon directeur artistique. Il a son caractère et c'est bien. Donc on discute, on travaille et sans complaisance. Et c'est vrai que il a eu raison. Il a été très malin parce que d'abord leurs voix sont magnifiques. Ils interprètent les rôles avec moi quand j'ai entendu les voix de ces deux-là. Sur les mots que j'avais écrits depuis 8 ans, que je chantais seul, dans des tonalités différentes, etc. J'ai écouté ça, ça m'a beaucoup ému, beaucoup plu. Et ça doit pas être évident de trouver la personne qui incarne bien ce que vous imaginez, ce que vous aviez dans votre tête. C'est vraiment une surprise, ça a été un coup de grâce, une sorte de... Oui, un moment de grâce. Les noms ont été évoqués, ils ont dit oui. Sur les bandes magnétiques, ils ont laissé quelque chose d'émouvant. Quoi, qui me plaît Exactement. Beaucoup. Ce sont deux compositeurs, interprètes et auteurs. Donc c'est assez rare que des auteurs-compositeurs acceptent de venir chanter comme des interprètes seulement, et des grands interprètes, sur l'œuvre de quelqu'un d'autre. Quoi. C'est assez généreux de leur part. Et ça s'entend, ça se sent quand on l'écoute, l'album Les Souliers Rouges. Puis vous passerez, même si ce projet va vous prendre du temps en promo pour en ce moment, vous passerez bientôt par la Belgique, au théâtre. Oui, au théâtre, oui. On voit oui. tout bientôt, la pièce s'appelle Le Poisson Belge. Exactement, oui. Ça se passe devant des étangs belges. Ouais. Et c'est une jeune femme qui a écrit ce Poisson Belge. Et c'est une jeune femme qui l'a mise en scène et c'est une jeune femme qui m'accompagne sur scène. C'est vrai que les filles sont très importantes dans ma vie. Et là, en l'occurrence, elles ont été importantes car elles m'ont donné... une forme provisoire de légitimité pour être en tout cas dans cette pièce acceptée dans le monde du théâtre. C'est très important pour moi de toucher, enfin d'être accompagné par des gens d'une telle qualité que j'aurai des efforts à faire pour être à la hauteur et être peut-être accepté dans un monde qui me fait rêver depuis longtemps. Ma partenaire a eu un Molière, ça s'est vraiment bien passé et donc la tournée s'est engagée et puis nous avons dit oui pour partir sur les routes. Eh ben on aura le plaisir de vous voir et de vous entendre donc au théâtre du 19 au 21 octobre. Ce sera au Volubilis à Bruxelles. On va vous mettre toutes les infos sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Merci beaucoup Marc Lavoine d'être passé par le 5 à 7. J'étais assez vivace. Et vous revenez quand vous voulez. Très vous êtes bien. Ici à la maison. Merci. À bientôt. Au revoir. Dans un instant dans le 5 à 7. Ah bon, on va changer. On quitte Marc Lavoine pour retrouver Ophélie Fontana. C'est l'image du jour qui arrive. Le cactus des Jérômes de Warzée et plein d'autres choses. Ne bougez pas. Chou. Le plombier est là. C'est le menuisier. Le carreleur est aussi arrivé. Eh ben voilà déjà le peintre. Avec Dagmar Buys, vous avez tous les spécialistes de la salle de bain à votre disposition, sans souci. L'équipe de Dagmar Buys rénove votre salle de bain de A à Z dans les plus brefs délais, selon vos goûts et votre budget. Dagmar Buys, inspiration, rénovation. Contactez-nous sur dagmarbuys.be. Go Dior. Bienvenue au Godillot, la référence toute marque en chaussures pour toute la famille et le plus grand choix en pointure femme du 35 au 42. Route de Genneval 31 à Lannes. Vaste parking. Godillot, service et qualité en un mot. Ouvert ce dimanche de 14h à 18h. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. En selle, citoyens, ce samedi, place Saint-Lambert pour un circuit de 25 km à la découverte de la Cité Ardente. À l'arrivée, point d'orgue de l'action Debout, citoyens. Le concert de l'Opéra Royal de Liège, accompagné par l'orchestre et ses chœurs, avec Suarez et Alison The Roof. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Excusez-moi, la Peugeot 208, là. Le parc assist, elle l'a? Elle l'a. Et la caméra de recul, elle l'a? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a l'Active City Break et elle a le Mirror Screen aussi. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Ah oui. Ah bah oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Portes ouvertes ce week-end, dimanche compris. Offre soumise à condition. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Vivacité. Ça vous fait penser à quoi, ce petit air? Pays merveilleux. On va retrouver Ophélie Fontana pour l'image du jour et on va sur un téléphérique. Ophélie, bonjour. Mais oui, bonjour, sauf que c'est un peu moins drôle quand même que dans le film Les Bronzés font du ski, mais voilà, je me disais que c'était un petit clin d'œil pour évoquer quelques souvenirs à tout le monde, mais ce qui s'est passé donc en France la nuit dernière était vachement moins drôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je ne sais pas si vous vous imaginez de passer environ 14 heures donc dans un téléphérique, quelques centimètres carrés, donc dans une cabine suspendue à 400 mètres au-dessus du sol. Ça dépend avec qui? Mais je pourrais l'imaginer. Ouais, c'est quand même pas évident. Je pense qu'on doit être surtout pris d'un gros stress. Ouais. Donc il faut vous rappeler, il faut remonter hier, 15h40, une centaine de personnes dans ce téléphérique du massif du Mont-Blanc. C'est un téléphérique qui relie l'Aiguille du Midi, 3842 mètres, à la pointe Elbronner, 3462 mètres. Donc ça relie de l'autre côté, côté italien. Une centaine de personnes à le bord, je disais, à un moment, tout s'arrête vers 15h40. C'est fini, le téléphérique ne bouge plus. Une panne. Voilà, tout de suite, les choses se mettent en place. Il faut sauver, évacuer les personnes qui sont à l'intérieur. Ça prend pas mal de temps, vous imaginez, à telle altitude. Ah bah, c'est pas facile, ouais. Voilà, il y en a certaines qui vont être élitreuillées, donc sauvées grâce à des hélicoptères. D'autres qui doivent descendre en rappel. Bon, aussi, voilà, il faut avoir le cœur bien accroché pour tout d'un coup improviser cet exercice. Bref, ça prend du temps. La météo n'est pas terrible. Et en plus, la nuit commence à tomber vers 20h45. On n'a pas le choix. Il faut arrêter les opérations pour des raisons de sécurité. C'est ça. Donc, les gens qui sont encore bloqués à cette heure-là, on les laisse dedans. Voilà, à cette heure-là, il y a toujours 33 personnes à l'intérieur. Ces 33 personnes qui ont donc, je vous le disais, passé la nuit en l'air, 14 heures dans ces quelques centimètres carrés. Bon, heureusement, on a tout fait pour les mettre en bonne sécurité. Donc, il y a des secouristes, des gendarmes français et italiens qui sont venus. Donc, on a réussi à les acheminer aussi par hélicoptère. Mmh. C'était surtout pour les réconforter, hein, parce qu'il y en avait certains quand même qui étaient pris de panique. À l'intérieur, heureusement, de cet téléphérique, un kit de secours avec une couverture de survie, une barre énergétique et une bouteille d'eau, enfin une ou deux bouteilles d'eau. Chouette soirée. Voilà, donc c'était pas assez, donc heureusement que les sauveteurs sont venus pour amener un peu de réconfort. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Hein. Tout s'est bien passé. Il y a juste un monsieur âgé en hypothermie qui a eu besoin d'un soutien médical. Et donc voilà, il y a quand même eu une fin, une issue positive à cette affaire un petit peu particulière. C'est ce matin, seulement vers 6h, le téléphérique s'est remis en marche. Donc on a réussi à le refaire fonctionner. Donc ces 33 personnes qui avaient déjà passé une nuit un petit peu particulière, heureusement, on n'a pas dû les élitreuiller. Elles n'ont pas dû faire de descente en rappel. Je crois qu'elles n'auraient peut-être pas eu le courage non plus. Ouais. Heureusement, donc voilà, on a pu remettre la machine en route et ils ont pu revenir après une nuit qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Ah bah quelle aventure quand même, ça c'est dingue comme histoire. Voilà, il faut peut-être aussi expliquer pourquoi, même s'il n'y a pas encore vraiment de version définitive. Apparemment, donc ce sont des câbles qui se sont entremêlés à cause du vent. Ah ouais?

jeter un petit coup d'œil dans le ciel, Dominique. Avec plaisir, puis pour vous annoncer du beau temps pour ce week-end sur le centre et l'est. Temps très lumineux, demain un peu plus de nuages du côté de l'ouest, mais il va faire très chaud, 23 à 27 degrés. Dimanche, 20 à 25 degrés encore. Un temps sec dans l'ensemble, même si on verra pointer quelques nuages ça et là. Oh, c'est pas bien grave. Dans la suite de ce 5 à 7, il y a des cadeaux à gagner. Restez bien là, je vous invite à découvrir un site touristique de Wallonie. Et pas n'importe lequel, le domaine du château de Senef, c'est tout un programme. Je vous en parle dans un instant, on reviendra sur une annonce il y a une semaine tout pile. On apprenait la fermeture du site de Caterpillar à Gosselies. Mais il y a des chaussures Caterpillar aussi. Est-ce que les gens ont arrêté de les acheter? La réponse après le journal. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oui, bonjour, je suis bien aux urgences? Oui, je vous écoute. Alors, j'aimerais qu'on m'emmène d'urgence dans un Proximus Center. J'ai vu un Samsung Galaxy J5 pour 9 euros. Vous êtes aux urgences ici, madame? Mais justement, c'est une urgence. Foncez dans votre Proximus Center et recevez un Samsung Galaxy J5 pour seulement 9 euros avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Infos et conditions dans votre Proximus Center. Proximus, infiniment proche. Merci d'écouter Vivacité, il est 18h. Elle voulait mettre le feu à la voiture pour provoquer l'explosion. De nouvelles révélations après l'arrestation de trois femmes hier près de Paris et après la découverte d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz le week-end dernier. L'une d'elles, la principale suspecte, a 19 ans. Elle a des contacts en Belgique et le commando était piloté par le groupe terroriste État islamique. C'est ce que vient d'expliquer le procureur de la République, François Molin, si vous l'entendrez. Pratique et agréable. Écoutez sa musique partout grâce à un abonnement en ligne. L'abonnement à des sites de streaming connaît un énorme boom en Belgique. Plus 80% en 6 mois. En sport, le rendez-vous de la rentrée en athlétisme, c'est le Mémorial Van Damme, 40e édition ce soir. Et un hommage à la délégation belge des Jeux Olympiques de Rio. On trouve le journal tout de suite sur Vivacité avec Delphine Vreux. Bonsoir Delphine. Bonsoir. 19 ans, radicalisée et arrêtée près de Paris hier soir, alors qu'elle était sur le point de mener avec deux complices, également des femmes, une attaque violente. Parmi les personnes arrêtées, il y a une jeune femme de 19 ans qui avait aussi des contacts en Belgique. Très radicalisée, c'est elle qui était au volant de la Peugeot découverte près de Notre-Dame de Paris. François Molins, le procureur de la République, donne en ce moment même une conférence de presse. Et Patrick Michel, il était bien question d'un projet d'attentat. L'objectif était d'incendier la voiture pour provoquer l'explosion des bonbonnes de gaz. Mais les deux femmes à bord du véhicule ne sont pas parvenues à incendier ce véhicule. Elles ont alors cru repérer des policiers en civil et ont décidé de fuir les lieux. Mais elles n'ont pas abandonné leur projet d'attentat. Les policiers sont parvenus via des écoutes à repérer une conversation sur un autre projet dans une gare. Ils ont alors localisé la planque des trois femmes, ce qui a mené aux interpellations hier soir. Alors on sait aujourd'hui qu'Inès Madani, c'est la jeune femme qui était au volant de la Peugeot, incitait aussi des jeunes à partir en Syrie. Et parmi ces contacts, via les réseaux sociaux, eh bien, il y a des personnes en Belgique, notamment dans la région de Charleroi. Deux jeunes radicalisés auraient tenté de partir en Syrie, mais la justice belge est intervenue et ces jeunes sont aujourd'hui en détention préventive. Je vous le disais, le procureur de Paris, François Molins, donne en ce moment une conférence de presse. Il revient sur cette voiture découverte près de Notre-Dame de Paris. Un commando terroriste composé de jeunes femmes totalement réceptive à l'idéologie mortifère de Daesh, a été démantelée. Le passage à l'acte par des jeunes femmes téléguidées par des individus se trouvant en Syrie, dans les rangs de l'organisation terroriste Daesh, démontre que cette organisation entend faire des femmes des combattantes. Voilà donc pour un extrait de cette conférence de presse qui se tient en ce moment même à Paris. Lui a attaqué à la machette deux policières cet été devant le commissariat de Charleroi. Mais que faire du corps du terroriste, abattu par une collègue des blessés? L'Algérien était en situation illégale en Belgique. Un mois plus tard, le terroriste n'a toujours pas pu être rapatrié, la situation est bloquée. Le consulat d'Algérie n'a pas donné son autorisation et le corps attend donc dans une entreprise de pompes funèbres de Gilly. Son directeur, Denis Fauten, est embarrassé. Lors de son décès, la famille est venue nous trouver pour le rapatrier en Algérie. J'avais pris contact directement avec le consulat d'Algérie avant de commencer toute formalité pour voir si eux étaient d'accord de le rapatrier. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème, vu les circonstances, que malgré tout cela, qu'ils donneraient les documents pour le rapatrier. Nous nous sommes présentés pour rapatrier le corps donc le 18 août. Et là, on m'a demandé d'attendre jusqu'à 15 heures. Ensuite, ils nous ont demandé de revenir le lendemain, ce que nous avons fait, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui, où on n'a toujours aucune autorisation. Ils ne disent pas non, ils ne disent pas oui, ils disent qu'ils attendent les papiers, ils disent qu'ils attendent des réponses du ministère des Affaires étrangères à Alger. Et quand on téléphone au ministère à Alger, ils nous répondent qu'eux n'ont aucune autorisation à donner, que c'est au consulat à prendre ses responsabilités et donner ou pas l'autorisation. Comment est-ce qu'on explique tout ça ? Je crois que c'est plutôt un problème politique, mais alors qu'ils le disent, mais qu'ils prennent position. Moi, je me retrouve avec cette personne décédée, ce défunt chez nous, et on ne sait pas quoi en faire. Tout le monde se renvoie la patate chaude, mais le vrai document doit venir du consul ici à Bruxelles. Interview signée Natacha Mann. L'après Caterpillar à Gosselies et le sort des travailleurs, travailleurs de l'usine et travailleurs des sous-traitants. Réunion avec les banques ce matin. Elles acceptent de se coordonner au sein d'un groupe de travail pour tenter de répondre aux difficultés financières que pourraient rencontrer les entreprises sous-traitantes. L'idée, c'est d'étudier les dossiers au cas par cas, d'analyser les besoins pour amortir au mieux le choc, explique le cabinet du ministre wallon de l'économie, Jean-Claude Marcourt. La direction d'AXA, elle en a fini avec la phase d'information de la procédure de licenciement collectif et la consultation va pouvoir démarrer. Les syndicats pourront d'abord interroger la direction avant de passer à l'étape des négociations. AXA repense ses activités autour de l'assurance. Les services internes de traduction, de gestion de voitures de société ou encore de restauration seraient sous-traités selon le syndicat libéral. Parallèlement, le groupe expose aussi des pistes pour réduire les coûts, réduction des salaires, limitation des avantages extra-légaux. Les syndicats vont informer le personnel la semaine prochaine. On s'intéresse maintenant à une question dans ce journal. Comment écoutez-vous de la musique ? Alors à la radio bien sûr, mais le CD n'a toujours pas été terrassé. Et le vinyle, le vieux 33 tours de mes parents, est ressuscité. Cela se confirme, il représente 5% des ventes musicales aujourd'hui en Belgique, pour un chiffre d'affaires de 2,4 millions d'euros. Mais l'année a démarré sur les chapeaux de roue pour les abonnements de streaming, l'écoute en ligne grâce à des catalogues disponibles sur votre iPhone ou votre smartphone, votre tablette. Le nombre d'abonnements à des services payants a progressé de 83% durant les 6 premiers mois de l'année. Il représente dorénavant un tiers du marché. Et grâce à lui, le reste du marché garde le tempo. L'analyse d'Olivier Matterlinck, directeur de la Fédération des producteurs de musique. C'est d'avoir l'accès où on veut, quand on veut, à toute la musique qu'on veut, qui attire les mélomanes à s'abonner à ce genre de service. Le marché est en train d'évoluer vers un marché qui sera probablement en majorité un marché de streaming. Donc l'accès à la musique est plus important qu'acquérir la musique. Mais on voit d'un autre côté que, comme avec le vinyle ou le CD, le téléchargement probablement ne mourra jamais. C'est clair que le streaming permet l'accès continu, mais une fois qu'on arrête l'abonnement, c'est fini. Et puis il est plus difficile aussi de transmettre ça à d'autres personnes. Des propos recueillis par Romain Bardet, c'était Olivier Matterlinck. Et il y a celles qui chantent les cloches et ceux qui les fabriquent, et parmi eux un artisan de Télin, province de Luxembourg. Amoureux de leur forme et du tintement qu'elles font. Mais des voleurs lui ont dérobé 20 cloches en début de semaine dans son atelier. Ils sont aussi partis avec du cuivre et des outils. Et c'est un collectionneur aussi cet homme. Et l'une des cloches qui a été volée date du XVIIe siècle. Pour Olivier Baudry, c'est son nom. Et cela l'attriste encore plus. Les malfrats ne voulaient que de la matière première. Il y a plus ou moins une vingtaine de cloches qui ont été volées. Comme ils ont pris ça pour la matière première, j'ai un peu peur qu'elles ne partent à la casse. Mais dedans, il y avait des cloches du XVIIIe qui devaient normalement être exposées aux journées du patrimoine ici à la fonderie de cloches à Télin ce week-end-ci. Et évidemment, ces cloches-là, entre guillemets, elles ne sont pas remplaçables. En quantité, en fait, quand vous voyez les câbles qu'ils ont pris, les lingots, les cloches, il y a presque une tonne de matière qui est partie. Quoi. C'est incroyable le fait d'avoir pu déplacer tout ça. Vous vous trouvez dans quel état d'esprit aujourd'hui ? Un petit peu abattu. Ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Et en 20 ans, j'avais réussi à trouver une belle petite collection. Quoi. C'est quand même malheureux de perdre des aussi vieilles cloches. La marchandise, les outils, ça a un coût. Hein. Je l'ai chiffré plus ou moins entre 20 et 25 000 euros. Mais franchement, penser que ces cloches vont être cassées, à mon avis, c'est ça qui est plus triste. Quoi. Un artisan dépité répondait aux questions de Julie Buron et malgré ce vol, Olivier Baudry présentera bien son travail et le reste de sa collection ce week-end lors des journées du patrimoine. Si vous avez un coup de main, je connais quelques cloches d'exception si jamais. Pourquoi vous me regardez? Ah bah, oh, mais non, c'est pas pour vous. Merci Delphine. Dans un instant, le journal des sports. Tout de suite, on part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info. On retrouve Antoine Binet. Est-ce que ça coince à 18h08? Oui, ça coince quand même pas mal sur le 40 qui relie Bruxelles à Aix-la-Chapelle. Le chantier de Cherad, vous en avez l'habitude, mais actuellement, on perd plus d'une heure au niveau de ce chantier depuis 11 sur 7 km de ralentissement. Un véhicule était en feu tout à l'heure. La chaussée vient d'être dégagée sur le 19 Mons-Bruxelles à hauteur d'Aubourg, mais on perd toujours une vingtaine de minutes, depuis Nimy. Et au niveau du ring de Bruxelles, ça ralentit en circulation extérieure. Grand Bigard au titre comptait actuellement 35 minutes supplémentaires. Ça va mieux en circulation intérieure. Grand Bigard Zaventem comptait 20 minutes supplémentaires. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Vivacité, le journal des sports. On retrouve Lise Burion, bonsoir Lise. Bonsoir Cyril. Rio débarque à Bruxelles ce soir, enfin presque, puisque le stade Roi Baudouin accueille une flopée de médaillés olympiques. Et oui, le 40e mémorial Wanda Mora, un goût de caipirinha, ou en tout cas un esprit festif, hein, qui ne sera pas sans rappeler celui de Rio. 35 médaillés des derniers Jeux s'aligneront devant 45 000 spectateurs, du grand spectacle encore, du beau monde. Alors on ne peut pas vous donner tout le programme, mais on peut citer les stars du 100 mètres féminin, hein, Thompson et Skippers, ou encore les boss du saut en hauteur messieurs, qui pourraient peut-être titiller le record du monde comme il y a 2 ans. Un concours de hauteur d'âme a aussi été mis en place pour fêter dignement Nafissa Toutiam, notre championne olympique de l'heptathlon. Et puis d'autres championnes olympiques seront à l'honneur. Elles ne devront plus se pincer pour y croire. Elles vont enfin recevoir leur médaille d'or 8 ans après. Ce sont les relayeuses du 4x100 mètres des Jeux de Pékin. Kim Gevaert, Elodie Hedraogo, Anna Marien et Olivia Borlé, sacrées après le déclassement, vous le savez, du relais russe pour le dopage d'une des coureuses. Une cérémonie officielle de remise de médaille d'or est donc au programme ce soir pour le relais. Mais tous les sportifs du Team Belgium, même hors athlétisme, seront fêtés. Ils défileront dans le stade et avant ce grand moment, eh bien, ils ont déjà été reçus au Comité Olympique Interfédéral Belge. David Bertrand, vous allez suivre le Mémorial Van Damme pour nous. Mais vous étiez aussi présent à cette petite réception olympique, un moment particulier pour les médaillés et les auteurs d'un top 8 à Rio. David, ils ont aussi reçu un petit quelque chose. Oui, bonsoir Lise, vous l'entendez peut-être derrière moi, ici en direct des jardins à l'arrière du comité olympique, juste à côté du stade Roi Baudouin. Une réception a lieu en ce moment et tous les athlètes présents à Rio sont appelés nommément sur une petite scène pour recevoir les applaudissements du public, des accompagnateurs, des familles qui sont réunies ici. Et puis les 14 top 8 plus les 6 médaillés de Rio vont recevoir leur prime en argent pour récompenser le travail accompli. Le top 8, il y a 14 sportifs qui l'ont atteint. Ils vont recevoir un chèque de 5 000 euros. Et puis pour les médaillés, il y aura des primes de 50 000 pour une médaille d'or, 30 000 euros pour une médaille d'argent et 20 000 euros pour une médaille de bronze. Tous ne sont pas là, évidemment. Nafissa Toutiam est en train de préparer son concours à la hauteur de tout à l'heure. Greg Van Avermaet, lui aussi, médaillé d'or à Rio, n'est pas là non plus. Il dispute le Grand Prix de Québec aujourd'hui en préparation des championnats du monde. On a vu par contre Yoline Dor, on a vu les membres du relais 4x100 mètres dont vous venez de parler, qui va récupérer sa médaille d'or tout à l'heure. On a vu aussi Charline Valsnik, Jawa Bachab ou encore l'épéiste Sepp Van Olsbeek. Tout ce beau monde est réuni et reçoit pour le moment donc ses primes, ses félicitations, ses encouragements pour la suite, évidemment, en espérant que tous poursuivront leur carrière et seront présents aux Jeux Olympiques de Tokyo. Sachez qu'il y a 47 athlètes sur les 109 qui ont représenté la Belgique aux Jeux de Rio il y a 15 jours, qui sont présents ici, qui vont défiler dans quelques instants pour un bain de foule, un tour d'honneur devant 50 000 personnes au stade Roi Baudouin. Merci David, on vous retrouve tout à l'heure pour nous faire vivre en direct ce mémorial Van Damme, niveau sportif et niveau émotion aussi. Et donc vous l'avez dit, parmi ces sportifs honorés, il y avait notamment Jawa Dachab qui a combattu pour la médaille de bronze en taekwondo, mais il a perdu ce combat décisif, on va l'écouter. J'aurais bien sûr préféré une médaille, mais il faut penser à l'avenir et au prochain tournoi et aux prochains Jeux Olympiques. Après, le diplôme, ça fait toujours plaisir. C'est quelque chose d'exceptionnel pour moi. Alors, vous allez vivre un grand moment aussi tout à l'heure avec ce tour d'honneur dans le stade. Comment vous attendez cette rencontre avec le public et marcher dans un stade avec 40 000 personnes, c'est pas habituel pour quelqu'un qui fait du taekwondo. C'est vrai, j'ai jamais été dans un événement comme ça, mais j'ai jamais été au Mémorial Van Damme. C'est la première fois et J'entends parler de ça, c'est un événement qui est historique et qui est très important, qui est très connu en Belgique et au monde entier. Je pense que ça va me faire plaisir d'être là et faire le défilé avec les autres athlètes olympiques. C'est un moment où je dois profiter bien sûr et je vais m'amuser aussi. Hein. Le mémorial Van Damme, c'est à suivre donc en direct sur les différents médias de la RTBF ce soir, émission spéciale sur Vivacité à partir de 19h. Et puis, il y a aussi ceux pour qui les lendemains olympiques sont l'occasion de prendre des décisions. Le nageur Dieter de Koning, 25 ans, membre notamment des relais 4x100 et 4x200 belges, a décidé d'arrêter sa carrière dans les bassins. Par contre, Evie Van Acker va continuer à prendre le large en voile, au moins jusqu'aux Mondiaux 2017. La Gantoise a 30 ans, elle était 4e à Rio. Elle a beaucoup hésité, mais finalement, elle a conclu qu'elle ne voulait pas finir sa carrière sur cette note brésilienne un peu amère. Retour sur un événement cette nuit à New York en tennis, la chute de Serena Williams. Une chute du haut de sa première place mondiale. L'américaine a perdu en demi-finale de l'US Open, gênée par une blessure au genou, mais surtout battue par la tchèque Pliskova. Serena est du coup dépassée au classement WTA par l'autre finaliste, l'allemande Angélique Kerber. Peu loquace en conférence de presse, Williams n'a pas voulu s'exprimer sur ce sujet, la place de numéro 1 mondiale, mais a-t-on vécu un tournant dans le tennis féminin? Peut-on parler d'un début de déclin pour Serena Williams? C'est sans doute allé un peu vite. L'un de nos consultants tennis, Michel Boulle. C'est une joueuse qui était tellement longtemps sur le circuit, et le corps ne peut pas toujours tenir, on ne peut pas toujours être là, toujours être présent, et peut-être que chez Serena, ça commence à devenir de temps en temps un peu plus compliqué, même si elle perd quand même pas beaucoup de matchs sur une saison, hein. Donc ça reste exceptionnel ce qu'elle réalise. Vous pensez qu'elle va le battre, le fameux record qu'elle a égalé, les 22 titres majeurs de Steffi Graf? Je pense, oui, franchement je pense, parce que Serena Williams c'est une joueuse très ambitieuse, entourée et encadrée d'un des coachs les plus ambitieux sur la planète tennis, Patrick Mouratoglou. Je ne crois pas qu'elle, à moins d'une catastrophe, qu'elle arrête sa carrière avant d'avoir atteint ce record supplémentaire. Quand on m'a dit, tiens, voilà, Serena va perdre sa première place, mais quelque part, c'est bien, parce que ça va donner un petit peu de changement dans l'ère du tennis féminin, car on se lasse un petit peu aussi de voir tout le temps Serena à première place mondiale, et Angélique Kerber, qui est peut-être un peu moins connue du grand public, mais mérite amplement d'être à la première place dès lundi. Interview signée Thierry Luther, c'est chez les messieurs. Le numéro 1 mondial joue cette nuit sa demi-finale. Novak Djokovic rencontre le français Gaël Monfils, qu'il a battu 12 fois en 12 matchs jusqu'ici. L'autre demi-messieur à l'US Open, ce sera Stan Wawrinka contre Kei Nishikori. En football, la 6e journée de Pro League s'ouvre ce soir avec un déplacement pour le club de Bruges. Les Brugeois chez l'avant-dernier du classement, Waasland Beveren. Grand écart, hein, quelques jours de leur entrée en Ligue des Champions, mercredi contre Leicester. Bruges qui reste tout de même sur une défaite à Courtrai et un partage contre le Standard. Waasland Bruges, des échos en direct ce soir sur Vivacité. Cette 6e journée qui se poursuivra, bien entendu, ce week-end. Moucron, Zult, Waregem et Eupen Ostende, notamment au programme demain. Et puis un gros dimanche avec le duel des Sporting. Charleroi, le leader, se rend à Anderlecht. Et le Standard recevra Genk. Premier match pour Aleksandar Jankovic dans le costume d'entraîneur des Rouges. Alors question, le Serbe est-il tendu, voire stressé à 2 jours de cette première? Je suis impatient tous les matins de commencer l'entraînement déjà. Ça, c'est l'envie que j'ai, c'est quelque chose que je porte, ça fait longtemps depuis le début, et certainement au moment où je sens que ça diminue ou ça disparaît un jour, certainement je vais arrêter de travailler comme en tant qu'entraîneur. Ça n'a rien à voir avec le stress. Moi, en tant qu'entraîneur, je m'analyse toujours plus et je me critique toujours plus que même les journalistes les plus sévères, parce que je veux progresser. Je sais qu'au moment où ça marche bien, c'est le moment le plus dangereux, et c'est là que moi je suis le plus sévère avec moi-même et parfois aussi avec les joueurs. On corrige quand ça va. À mon avis, c'est la meilleure façon de progresser. Des propos recueillis par Thierry Luther. Enfin, en cyclisme, la Vuelta n'est peut-être pas terminée. Christopher Froome a remporté le contre-la-montre de la 19e étape aujourd'hui. Il a repris plus de 2 minutes à Nairo Quintana, toujours leader, mais qui voit le Britannique se rapprocher. Il n'y a plus qu'une minute et 21 secondes entre les deux hommes. Alberto Contador a lui repris la 3e place devant le Colombien Chavez. Et autour de Grande-Bretagne, le Belge Julien Vermeulen a perdu sa place de leader. Le Britannique Stephen Cummings prend le maillot jaune après la 6e étape remportée par le Néerlandais Wout Poels. Merci Lise, on rappelle que le sport revient tout à l'heure sur Viva. Dès 19h, vous pourrez suivre à la fois le Mémorial Van Damme et puis tout à l'heure la rencontre donc avec le club de Bruges face à Waasland Beveren. Oui, vous avez retrouvé le bon texte. Bah de mémoire, je savais. À quelle heure? C'est pas écrit. C'est à 20h, 20h45, 20h30. Ah. Bien. Mais le premier quart d'heure, il se passe rien généralement, mais à 20h45. Merci Lise. Bonne soirée. Il est 18h18. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h sur Vivacité, 5 à 7. Dans quelques minutes, on passe une petite tête en cuisine. Bon, on aime bien faire ça. Vendredi, on va vous donner des idées avec Candice Cotter pour peut-être préparer des choses pendant le week-end. Ne bougez pas, c'est dans un instant dans le 5 à 7. On va parler aussi de l'arrivée de quelqu'un à la RTBF. Accro, le chanteur Accro, anciennement du groupe Starflame, et puis que vous avez déjà entendu plein de fois sur Vivacité, Accro devient un des boss de la RTBF. Alors pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, on en reparle tout à l'heure dans le 5 à 7 sur Vivacité. Et puis retour sur quasiment une série. Hein. Ça a été compliqué de choisir la ville pour l'Eurovision de cette année, l'Eurovision 2017. Alors on sait maintenant que ça va se passer à Kiev, mais comment a été choisie la ville? Ça a été très compliqué. On en reparle dans quelques minutes sur Vivacité. Et puis retour sur l'annonce d'il y a une semaine, tout pile. Il y a une semaine, tout juste, on apprenait la fermeture du site Caterpillar à Gosselies. Caterpillar, c'est forcément la construction des engins de construction, mais c'est aussi une marque, des produits dérivés, une marque de chaussures, entre autres. Une semaine après l'annonce, est-ce que la marque fonctionne toujours? Est-ce que les chaussures se vendent? Ben, on s'y intéresse juste après ça. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez! Vive à Bruxelles et La 3 présente L'île au trésor dans une adaptation de Thierry Janssen. Après les trois mousquetaires, revivez une aventure extraordinaire. Un trésor, des pirates, un bateau et des personnages hauts en couleur pour toute la famille à partir de 5 ans. À voir jusqu'au 23 octobre au Théâtre Royal du Parc. 02 505 30 30 ou théâtreduparc.be avec la Libre Belgique. Shopping. Dès 17h, à moi la liberté et le plaisir. Les Happy Fridays du Walibi Shopping m'offrent quelques heures zen et branchées. En plus, le parking est gratuit de 17 à 20h. Happy Fridays, les inédits du vendredi. Walibi Shopping. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaires exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4000 euros d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvoies, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Hésitez moins, vivez plus. Découvrez le monde grâce aux incroyables tarifs Book & Pay de Connections. Débutez votre aventure dans l'un de nos travel shops ou sur connections.be. Connections, go, explore. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil? Le petit orteil. Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez bon, 1 million. 2 millions alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Une idée importante, ne la laissez pas s'envoler. Écrivez-la sur une note super sticky post-it. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Il y a une semaine tout juste, dans l'actualité, on apprenait la fermeture du site Caterpillar à Gosselies. Alors Caterpillar, c'est forcément la construction d'engins, mais c'est aussi une marque, vous la portez peut-être, entre autres des chaussures. Justement, on va s'intéresser aux chaussures. Est-ce qu'il y a un rejet de la marque Caterpillar après l'annonce et le drame social qui en découle? On va prendre la direction de Louvain-la-Neuve, le magasin Magnette, où se trouve Sarah Guérard, qui est co-gérante du magasin. Bonsoir Sarah. Bonsoir Cyril. Bienvenue dans le 5 à 7, merci d'être sur Vivacité. Alors Sarah, une semaine après cette annonce de la fermeture du site Caterpillar à Gosselies, est-ce que vous vendez plus ou moins ou ça ne change rien de chaussures Caterpillar? Eh bien en fait, non, actuellement, on ne ressent pas d'effet négatif sur les ventes de chaussures Caterpillar, surtout actuellement avec les températures qu'il fait, il est encore trop tôt pour le dire. Est-ce que vous croyez que ça va avoir un impact, que les gens vont faire attention à ça ou pas du tout? Pour moi, les chaussures Caterpillar restent emblématiques et ont un très beau rapport qualité-prix, donc je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Surtout qu'il ne faut pas oublier que que l'on parle ici d'une licence américaine pour les chaussures, et donc il ne faut pas faire d'amalgame avec la société à Gosselies qui, elle, fabrique des machines. C'est ça, donc ici, c'est juste la marque est mise sur des chaussures, mais la société en elle-même ne les fabrique pas, n'a rien à ça voir n'a directement. Rien à voir, tout à fait. D'accord, ben, on suivra le dossier, on verra quand il fait un peu plus froid si les gens ont un rejet de la marque ou pas. On vous rappellera, Sarah, alors. Merci, merci, en tout cas, d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Bon avec week-end. Avec plaisir, pareillement. À bientôt. Il est 18h24. 5 à 7. Avant de retrouver en cuisine demain matin sur Vivacité, bah c'est l'heure de retrouver Candice déjà dans le 5 à 7 ce soir pour la dernière fois cette semaine. Bonsoir Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Ce soir, on applaudit une initiative qui est lancée au profit des diabétiques ou des personnes qui doivent garder un œil sur... C'est beau. Bah vous avez demandé d'applaudir, c'est moi j'applique. C'est tellement beau. Et alors si je vous dis, est-ce qu'on peut faire un tambour? Ah oui. Mais comme ça, un c'était une mitraillette. Hein. Vous voulez pas un tambour? Ça, c'est un tambour. Comme ça, voilà, ok, je fais le tambour. Ou alors, c'est un clop-clop de cheval. Je non, ne sais pas. Ça, c'est plus... Ah, totalement. Non, non, sur ce coup-là, sur ce coup-là, c'est vous. Non, non, sur ce coup-là, vous gagnez. Donc, diabétique, personne qui doit éventuellement garder un œil sur leur régime alimentaire, c'est vraiment un ustensile génial, ça s'appelle le SAIO. Je vous explique ce que c'est. C'est un capteur moléculaire, donc en gros, de poche, qui détermine en gros la composition chimique de tout ce que vous allez manger. Donc imaginons, vous êtes chez vous, vous êtes au resto, vous vous apprêtez à manger, vous déposez simplement l'appareil qui a la taille d'une petite lampe de poche rectangulaire sur les différents éléments de votre assiette. Tchic, tchic, tchic, tchic. Instantanément, l'appareil indique les calories, les glucides, les lipides, ajoute des conseils personnalisés à votre situation du type vous avez mange pas ça. Non, ça c'est la balance méchante. Vous avez consommé X nombre de grammes de sucre aujourd'hui, il vous reste ceci à consommer, là-dedans vous en avez un tel, donc ça vous pouvez. Exemple. Donc voilà, donc c'est vraiment bien fait. Les calories sont ajoutées et tout ce que vous consommez sont ajoutés au fur et à mesure au profil santé de l'utilisateur, donc de ce que vous avez indiqué de vous au départ, et vous avez un tableau d'avancement de votre ration alimentaire quotidienne. Honnêtement, pour les gens qui ont un problème de santé à ce niveau-là ou qui ont souffert de maladies, qui ont souffert de maladies cardiovasculaires éventuellement, c'est la clé. C'est vraiment vraiment une grande libération. Et c'est une start-up française, Diet Sensor, qui a lancé le SAIO. Le SAIO, c'est S-C-I-O. Vous le trouvez au prix de 250€. C'est pas donné quand même. C'est pas donné. C'est pas donné, mais quand on voit tout ce que coûte tout, mon mari par exemple, il a des grosses migraines, bah, il a testé le céphalie, c'est du 400€ le céphalie. D'accord. Donc, ouais, c'est le même principe. En gros, c'est un truc santé, dès que c'est un peu santé. Vous avez une application smartphone qui est dédiée à ça et qui, elle, est téléchargeable gratuitement. Il y a un abonnement que vous payez mensuellement, mais c'est quelques euros. Et vous pouvez avoir cette application smartphone qui, donc, en gros, vous aide à avoir les résultats. C'est un vrai journal. C'est génial. Ouais, d'avoir vraiment le. Tout à fait. D'avoir les résultats de votre SAIO directement sur votre téléphone aussi, pour que vous ayez votre info en permanence. Donc ça vous permet vraiment de réguler tout ce que vous consommez si besoin est. C'est pas pour tout le monde, mais pour les personnes concernées, c'est vraiment une grande, ouais, grande avancée. C'est parce qu'on en a besoin. Quand même. C'est clairement parce qu'on en a besoin. Mais c'est une grande avancée et ça vous permet, ça vous facilite vraiment la vie. Hein, ça c'est sûr. On remet toutes les infos sur vivacité.be, comme ça on sait où le trouver. C'est le cas. Ah bah super, merci Candice. Bisous, bon week-end. Bon en cuisine demain matin et à lundi. À lundi. Il y a des cadeaux, c'est le moment, c'est l'instant. Si vous voulez aller vous balader en famille, en plus il fait beau, bah c'est cool, c'est le moment. Au domaine du château de Senef, plein de choses à faire là-bas. Vous allez vous amuser, tout ça grâce au beau vélo de Ravel à 365.be et au ciné-télé-revue. Profitez, parce que bientôt c'est terminé le beau vélo de Ravel. Il reste encore deux étapes, une ce week-end et ensuite il restera le final à Bruxelles. Donc encore quelques jours pour repartir avec des cadeaux, mais là servez-vous ce soir. Quatre entrées pour le domaine du château de Senef. Ça se gagne maintenant avec un petit SMS. Vous envoyez Ravel, R-A-V-E-L au 6003 pour cette 5 centimes. Le message, juste après la pause, on accueillera Acro. Acro, vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu sur Vivacité, il faisait partie du groupe Starflame et il devient un des boss de la RTBF. C'est pas une blague, on verra avec lui pourquoi, ce qu'il va faire exactement dans quelques minutes sur Viva, et puis retour sur cette histoire complètement dingue, c'est presque une série télévisée. L'Eurovision se déroulera à Kiev, mais ça a été compliqué de choisir la ville. Viva. Wow, vous avez entendu ça? C'est le bruit des journées colossales de Colishop, avec des réductions écrasantes jusqu'à moins 50% sur les armoires, les valises et une foule d'autres articles. Rendez-vous vite sur colishop.be. Ah ouais, le rythme de la course était fort, il y a eu cette échappée là, mais bon alors après on a réagi, hein, hop, et toute l'équipe, et voilà, on est en tête maintenant, c'est bien. Le changement, ça donne de l'énergie. Alors gaz ou électricité, changez aussi pour Poéo, et profitez de la promo de bienvenue. Poéo, énergie positive. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Et pas pour les canapés. Non. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Renseignez-vous sur abiome.be. Et pour toi, qui a le meilleur prix ? Le meilleur prix ? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris ? C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Cuisine Xina ! Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina.be, c'est bien pensé. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce pilot assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. Tous vos artistes préférés en live. Dès 17h, Vivacité est en concert. Du 3 au 24 septembre, c'est l'anniversaire chic des magasins Schmitt. Monsieur, vous devriez manquer ça pour rien au monde. Un anniversaire où c'est vous qui recevez des cadeaux? Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Votre cuisine Schmitt à partir de 6 400 €, électroménager inclus. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Du 3 au 24 septembre, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt à Gembloux, Nivelles, Waterloo, Wavre, Sint-Pietersleu, Uccle et maintenant à Bruxelles-Louise. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. h30, voici les titres de l'actualité avec Franck Ruel. Bonsoir Franck. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. En France, l'enquête progresse après la découverte de bonbonnes de gaz dans une voiture près de Notre-Dame de Paris. Trois femmes ont été arrêtées hier soir, dont une qui avait des contacts en Belgique. Son intention était d'incendier la voiture pour provoquer une explosion, mais elle n'y est pas parvenue et a décidé de fuir. Le procureur de Paris, François Molin, se parle d'un attentat téléguidé depuis la Syrie par le groupe terroriste État islamique. Cette jeune fille de 19 ans, très radicalisée, a été localisée avec deux complices et interpellée hier. Inès Madani, c'est son nom, incite aussi des jeunes à partir en Syrie. Et parmi ses contacts, il y avait des personnes en Belgique, notamment dans la région de Charleroi. Voilà un corps bien encombrant. Une société de pompes funèbres de Charleroi essaie depuis un mois de se débarrasser du corps de l'auteur de l'attentat à la machette contre des policières. Carolo, un corps qui doit être rapatrié en Algérie. Les pompes funèbres attendent un ultime document que le consulat d'Algérie n'a toujours pas fourni. Et puis l'actualité est sportive ce soir avec la 40e édition du Mémorial Van Damme. Comme d'habitude, une pluie de stars fouleront la piste, à l'exception notoire du Usain Bolt. Mais on notera quand même la présence de 16 champions olympiques de Rio. Et puis un moment d'émotion sûrement quand les filles du relais 4x100 mètres recevront leur médaille d'or. Elle date des Jeux de Pékin en 2008. La Russie, vainqueur sur la piste, en a été déchue pour cause de dopage. Merci Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. La météo, est-ce que ça va être bien ou pas? La réponse tout de suite, Dominique. Ça va être plutôt bien dans l'ensemble ce week-end. Demain, nous aurons un temps très lumineux sur le centre et l'est du pays. En revanche, sur l'ouest, plutôt en mode nuage. Mais il va faire chaud quand même partout. Maxima 23 sur les hauteurs à 27 degrés en Campine. Dans la nuit de samedi à dimanche, une perturbation peu active va traverser le pays. Elle donnera quelques gouttes tout au plus. Dimanche, nous aurons encore 20 à 25 degrés. Un temps sec dans l'ensemble, mais quand même un petit peu nuageux. Et puis retour du soleil, du ciel bleu et d'une grande chaleur dès le début de la semaine prochaine. Ah bah, il va faire chaud encore, ça fait du bien. Merci Dominique. 18h32, il est l'heure de faire un tour sur les routes. Comment ça se passe? Le RTBF Mobile Info avec Antoine Binamé. Situation toujours compliquée sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle au niveau du chantier de Chorade. Vous perdez actuellement presque 40 minutes sur 9 km de fil en direction de l'Allemagne. Accident impliquant une moto sur la N5 Charleroi-Couvin à hauteur de Philippeville. C'est la bande de droite qui est neutralisée vers Couvin. Accident également sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure à hauteur de Dilbeek. Bande de gauche neutralisée en direction de Grand Bigard. Et au niveau des temps de parcours sur ce ring, en circulation extérieure, Grand Bigard au titre plus 20 minutes. Et en circulation intérieure au titre Grand Bigard, 15 minutes perdues actuellement. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Il est 18h33, il y a toujours des cadeaux à gagner. Si vous voulez repartir avec vos entrées pour le domaine du château de Senef, bah c'est maintenant ou c'est jamais. Après, ce sera trop tard. 4 entrées pour vous. Vous envoyez Ravel, R-A-V-E-L, au 60-03 pour 75 centimes. Le message, bonne chance avant 19h. On sait qui gagne ses entrées. On va parler de l'Eurovision dans quelques minutes. On sait depuis aujourd'hui que la ville qui a été sélectionnée pour l'Eurovision 2017, c'est Kiev. Mais ça a été compliqué. Une histoire digne de la mafia russe. C'est comme ça que c'est décrit. On y revient dans quelques minutes. Mais juste avant, retour sur une vidéo qui fait le buzz depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Vous l'avez certainement vu sur Facebook, il s'agit du chanteur Acro qui explique en gros son parcours et qui explique en fin de vidéo qu'il devient des boss de la RTBF. Lorsque tu te lèves, que tu fais un rêve, toujours te dire toujours, jamais dire jamais. Bonsoir Acro. Bonsoir. Bienvenue patron, on doit dire alors maintenant. Oh là là, c'est alors c'est pas parce que c'est de la maison qu'on en parle, vraiment, c'est juste que ça fait un énorme carton cette vidéo sur internet où on voit des dessins, on voit que vous racontez votre histoire et donc votre arrivée à la RTBF pour un nouveau projet, un nouveau projet multimédia, c'est comme ça qu'on peut le décrire, qui va donner la parole aux jeunes et au hip-hop également. C'est nouveau pour le service public, parlez-nous un peu de cette idée et votre arrivée. C'est la première fois qu'un média va être piloté par un artiste. Ben, je pense oui, je pense que j'ai l'expertise du hip-hop en tout cas, mais j'ai pas celle des médias, donc j'ai beaucoup à apprendre de la maison aussi, faut rester humble. En tout cas, ben voilà, ça a commencé avec une offre d'emploi que j'ai vue circuler sur Facebook d'ailleurs à la fin de l'été. Je me suis dit tiens, ça correspond pas mal à mon profil, je vais essayer de tenter le coup pour voir. J'avais commencé en fin d'année une formation radio chez Equinox à Liège, donc j'avais déjà l'envie en tout cas d'animer ou d'être derrière le miroir pour une fois, et voilà, ça se concrétise aujourd'hui. Il y a une énorme attente, d'où le buzz, d'où le boom de cette vidéo par rapport à tout le mouvement hip-hop qui se sent représenté, qui sent que pour une fois on va lui tendre un vrai média avec des vrais moyens. Et donc j'ai cette responsabilité de transmettre à la génération suivante, mais avec quand même tout ce qui a été transmis par les pères fondateurs, avec les valeurs positives du hip-hop, etc. Donc j'ai cette tâche aujourd'hui et je suis super fier. Ah bah, on est fiers de vous accueillir ici à la RTBF. C'est une nouveauté quand même d'avoir le hip-hop qui est représenté dans les médias, parce qu'aujourd'hui, il y a quelques radios locales qui existent en Belgique et qui en passent, mais globalement, c'est quand même difficile pour ceux qui aiment le hip-hop d'en retrouver. Bah, nous, on n'y croyait plus, donc c'est vrai que ça fait quand même 20 ans ou 25 ans que ça existe en Belgique. Il n'y a personne qui s'est posé la question de savoir, tiens, qu'est-ce qu'on en ferait, est-ce qu'on créerait simplement des émissions. Donc on s'est toujours fait par nous-mêmes dans des réseaux très underground. Maintenant, il y a quand même une réalité qu'il faut se dire, c'est que les chiffres parlent d'eux-mêmes en termes de téléchargement, de visibilité sur YouTube, toutes les plateformes qui ne sont pas standards. Les jeunes sont là, les jeunes consomment, les jeunes créent. Et donc si la RTBF aujourd'hui ne s'appuie pas sur ce public, demain ils ne seront plus là pour la RTBF. Donc on est dans une situation de win-win qui est super intéressante, c'est que le hip-hop peut avoir les outils d'un grand média et le grand média peut avoir le public du hip-hop. Voilà. On parle ici d'un projet digital qui verra le jour début de 2017, en tout cas courant 2017. Et en tant que patron de ce nouveau média qui va arriver, est-ce que vous passerez ça par exemple? Je suis mal placé pour ma propre cam, on va dire. Donc je pense que avant tout, il faut tourner vers l'avenir, vers les talents qui peuvent émerger. J'ai envie d'avoir un pied aussi dans la rue et d'aller découvrir des gens. Comme par exemple, on a vu que Stromae faisait partie de la culture hip-hop et qu'il a commencé à rapper. Donc je pense qu'il y a d'autres gens, il y a Céla Sou aussi qui a explosé il y a quelques années, d'autres gens qui sont très jeunes, qui ont énormément de talent, qui sont musiciens dans l'âme, qui ont des formations, qui vont de plus en plus loin dans les techniques. Et ces gens-là, il faut aller les chercher, il faut participer à leur éclosion, parce que c'est le patrimoine musical et culturel belge. Alors il y a une image autour du hip-hop quand même, est-ce que ce sera un média de racaille où on fumera des joints? Écoutez, on est dans une grille où on va essayer de contenter tout le monde, mais moi je ne veux pas me cantonner à un rap game, comme on dit, où c'est que du clash, parce qu'il y a d'autres émissions françaises qui le font. D'accord. Et qui ont aussi donné cette image aussi négative du rap, où c'est tout le temps des bagarres, des batailles entre rappeurs. C'est pas que ça. Le, le, Non, le hip-hop, c'est beaucoup plus large. Le hip-hop, ça part de l'unité, déjà. Ça part aussi de... Donc, il y a le graffiti, il y a le breakdance qui a évolué énormément, et ça, on n'en parle jamais. Donc, tout ça, j'ai envie de le mettre en avant aussi et ne pas se consacrer qu'au rap. Même si je suis rappeur, j'aurais pu prêcher pour ma paroisse, et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, quoi. Et au milieu de tout ça, vous aurez le temps de faire encore de la musique, vous ? Bah, au milieu de tout ça, je vais répondre à des concerts, donc j'ai quand même une clause de contrat qui me permet de continuer à faire de la musique, mais j'aurai absolument pas le temps de sortir un album cette année, et ça c'est certain. Quoi. Bon, et ça veut dire quoi, que vous lancez l'aventure et vous démarrez le truc et après vous partirez? Ou non, ça veut dire que le travail de création, il va être énorme, donc ça c'est vraiment un travail qui va me prendre corps et âme pour au moins une année, si pas plus. Mais je pense que quand on aura installé les rails avec la locomotive, avec les nouvelles équipes, avec les jeunes qui seront intégrés à ce média, tournera d'elle-même. Il faudra superviser encore, mais ça me laissera plus d'espace de liberté pour des projets artistiques. Voilà. Comme vous êtes au cœur du projet, vous avez plus d'infos que nous. Ça démarre quand? Ça va s'appeler comment? Je ne peux rien dire, mon survie va flûter. Oh là là là, non, là, comment il est. Non, mais le problème, c'est qu'on part d'une feuille blanche. Donc, la feuille, il y a peut-être pas de choses à faire. Je sais que la RTD, c'est un navire où il y a aussi l'approbation de la hiérarchie, etc., etc. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Donc, je dois apprendre à connaître tous ces codes. Moi, j'ai beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie, mais on ne peut pas se planter. Je ne veux pas offrir un échec au mouvement qui me suit. Je veux offrir quelque chose de positif. Je veux tirer les gens vers le haut. Et donc ça demandera du temps pour que la qualité soit au menu. Bon ben on suivra cette histoire, on verra quand ce nouveau projet verra le jour ici à la RTBF. Ce sera lancé en tout cas en 2017, début, milieu, voilà. Ou fin. Ben, vous viendrez nous le dire, Accro, d'accord ? Mais bien sûr, avec plaisir. À très bientôt et que tout se passe bien. Il est 18h39, merci. Vous écoutez le 5 à 7 sur Vivacité. Dans quelques minutes, retour sur cette annonce de la journée. On sait que l'Eurovision va se dérouler à Kiev, mais ça a été chaud pour choisir la ville. On y revient dans un instant. Avant ça, voici l'histoire de vos hits, c'est Pop Story avec Marc Touesca. Pop Story. Aujourd'hui, Pop Story célèbre l'Union européenne et la belle amitié entre les peuples du vieux continent grâce à ces quelques titres qui ont marqué l'histoire de la pop. Mettre en valeur des artistes européens qui arrivent sur le marché, c'est notre vocation. C'est le 7 février 92 que l'Union ratifie le traité de Maastricht. Cette année-là, Arnaud, chanteur belge, la voix éraillée, le costard de travers et sans doute le plus convaincu de tous, explose la bande FM avec « Putain, putain, nous sommes tous des Européens ». Vous êtes prêts pour la plus dingue des putains d'histoire ? Putain, putain, c'est vachement bien. Finalement, ce sont les artistes grandis avec l'espoir ou les désillusions engendrées par le projet d'Union européenne qui auront le plus chanté et écrit sur le thème. Stéphane Escher, fier représentant de cette génération d'incurables nomades polyglottes, culmine en 2003 au sommet des charts avec Taxi Europa. Un clin d'œil à cette belle amitié entre Européens, mais bon, c'est pas toujours facile. En 86, l'Espagne et le Portugal font leur entrée dans la CE. La Grèce, l'Italie et le Danemark signent l'acte unique et l'Union européenne se choisit un joli drapeau composé de 12 étoiles sur fond bleu. Au Parlement, on s'égosille sur l'hymne à la joie de Beethoven, alors que Bachung, lui, jette un regard appuyé, limite lubrique, sur les rondeurs des belles européennes. How do you do? C'est pas la haine. Qu'est-ce qui fait qu'on aime les européennes? Mais bien avant de devenir le grand défi du siècle dernier, l'Europe, ou Europa, était dans la mythologie grecque la fille du roi Agénor, que Zeus lui-même enleva sous l'apparence d'un magnifique et puissant taureau blanc. Dans les hit-parades, Europa est le nom de cette groupie que Santana croisa un jour dans sa loge.

chez vous. Oui, mais non, c'est la mienne. Et ça tournait un peu à d'autres boudins, comme chez nous, quand c'est un peu 15 jours avant les élections et que voilà, ça chauffe un peu. Donc, il y a eu ça. Il y a eu des sondages dans les journaux. On demandait aux gens, voulez-vous que l'Eurovision se fasse dans quelle ville, Kiev, Dnipro, etc. Et les gens, et ça, à mon avis, ça a passionné les Ukrainiens pendant 2 mois d'été. Il n'y avait rien d'autre à la télévision. Ça devait être un petit peu leur feuilleton à eux. À la fin, il devait y avoir 2 villes qui étaient en bout de course. Il y en avait 3. Donc, c'était reparti. On a relancé les débats, on a relancé les sondages. Et tout était permis. On a fait des vidéos pour démontrer que Kiev était mauvais par rapport à Odessa. Odessa n'était pas bien par rapport à Kiev. Je pense qu'on a dépensé de l'argent fou pour ça. Et finalement, on va à Kiev. Ah bah, comme en plus, l'Eurovision couche déjà pas cher comme ça. Alors, c'est hallucinant. C'est la première fois que ça se passe comme ça, Pierre ? Je pense que oui, à mon avis, en Russie, en 2009, c'était un peu plus, c'était Moscou et rien d'autre. Bon, on ne va pas souvent non plus en Ukraine et en Russie, donc on n'est pas habitué à ce genre de réaction. J'imagine que chez eux, c'est peut-être plus souvent le cas. Chez nous, non. À chaque fois qu'un pays gagne, on sait que plusieurs villes sont candidates. Ça fait un peu folklore pour Copenhague, par exemple, au Danemark. Il y avait une ville qui était candidate. Elle n'avait qu'une petite salle et 30 hôtels. C'est un petit peu juste pour accueillir 2000 personnes. Donc, mais voilà, on sait que ça fait partie du jeu, comme dans toute organisation. Mais là, vraiment, ça a été une mafia russe, on peut dire ça comme ça. Et ça rend un peu la chose un peu drôle pour nous, mais je me dis que voilà, se battre pour l'organisation de l'Eurovision, c'est un peu... Et pourquoi les villes, justement, se battent tant? Ça apporte quelque chose d'organiser l'Eurovision chez soi? D'une part, oui, on va parler de Kiev pendant une semaine, puisqu'on verra déjà le nom Kiev. J'imagine que Bruxelles et Paris seraient intéressés cette année-ci de le faire, parce que voilà, on va montrer une belle image de la ville, comme en général les offices du tourisme payent un petit peu, donc on va voir des cartes postales avec les plus beaux monuments, ce sera bien maquillé, les gens auront envie de venir. Je pense que pour Vienne, ils avaient investi 1,5 million, je crois, dans la ville de Vienne avait investi 1,5 million dans tous les clips de promo, d'accord. Et voilà, et donc il y a eu des retombées, ça a rajeuni l'image de la ville qui est un peu vieillotte. Et donc je pense que pour Kiev, c'est un peu ça aussi. Et pour Odessa, qui était candidate, c'est une ville balnéaire, bah, ça fait venir des gens au bord de la plage. Et voilà, c'est pour l'instant l'Ukraine, c'est pas très sexy parce qu'on sait qu'il y a un conflit à l'Est, mais voilà, l'Eurovision qui arrive. C'est pas la première destination en vacances à laquelle on pense, ça c'est sûr. Voilà, donc ça va revenir un petit peu, les gens vont dire tiens, finalement c'est pas si mauvais que ça, c'est pas si mal que ça, et on va avoir des belles images bien colorées avec du folklore, de la nourriture qu'on va aimer, donc ça va être le monde des bisounours. On suivra ça, ce sera au mois de mai, c'est ça? Au mois de mai. En début mai, du 9 au 13 mai, les dates ont été avancées aussi, donc maintenant c'est bien calé. Ah bah, y a plus qu'à attendre. On sait qui représentera la Belgique, on sait déjà ou pas? Officiellement, non. Il y a 2 noms qui circulent, 2 anciens candidats de The Voice, de The Voice de l'année dernière. Pierre Lizet, qui n'a pas été en finale, qui avait été éliminé par les 4 Sentries. Et par contre, un autre finaliste, c'était Olivier Kay. Et donc voilà. Et quand est-ce qu'on saura? C'est à l'RTBF de donner la décision. Ah, on va demander au patron, alors. Je pense qu'on le saura avant la fin de l'année, mais je n'ose pas trop m'avancer. Ah bah, on suivra ça. Merci Pierre pour vos explications et bon week-end. À bientôt. Il est l'heure d'en trouver tout de suite les enfants de cœur. Ça s'est passé dimanche et ça revient d'ailleurs dimanche. Ben voici ce que vous avez peut-être raté. Vous allez la fermer, ouais. Les enfants de cœur. On aimerait bien dormir. Dans la vie, il y a des moments de honte et des moments de gloire. Moi, ma spécialité, c'est plutôt les premiers. À l'heure où des cohortes d'élèves innocents rentrent à l'école sans aucune réaction d'Amnesty International, je voudrais évoquer l'une des plus grandes sources d'humiliation des jeunes de ma génération, les pantoufles de gym. De mon temps, à l'époque où l'éducation physique à l'école s'appelait la gymnastique et où le professeur de gymnastique entretenait sa condition physique en buvant du Pellel et en fumant des Johnson sans filtre pendant les cours, une seule tenue de gym était tolérée. Elle comprenait d'abord le maillot de corps blanc partout et jaune en dessous des bras, ensuite le short bleu échancré sur les côtés tellement moulant que le dilemme dans le vestiaire, c'était de savoir si tu mettais ta zigounette à gauche ou à droite parce qu'au milieu, il n'y avait pas de place. Et enfin, élégance suprême, il y avait les pantoufles de gym. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'honneur de chausser ces baignoires à mycose, la pantoufle de gym, c'était une espèce de suppositoire en toile blanche collée sur une galette en caoutchouc et terminée au-dessus des orteils par une boule en caoutchouc aussi qui donnait aux pieds les allures d'une limace albinos. Le plus dur avec ces pantoufles de gym, quand on avait mon physique de poteau de corner, c'était de courir. Parce que le seul aimant qui faisait tenir la chaussure au pied, c'était une bande élastique placée au-dessus du pied. Si t'avais un gros pied, l'élastique se racrapotait sur ta chaussette comme un préservatif trop petit sur un zizi de compétition. Et si t'avais le pied trop fin, il flottait dans ta chaussure et tu galopais pendant toute la leçon comme si t'avais mis les clapettes de ta mère. Le sommet de la gloire de cette tenue, c'était la fête organisée une fois par an dans la salle de gym, devant les parents et les notables du village. Je ne sais pas ailleurs, mais dans mon école, au niveau exploit physique, cette fête, c'était du haut vol. Cumulait en avant sur le plinth. Pour ceux dont le cul arrivait à suivre la tête. Roue sur le tapis de sol, mais version vieille roue de charrette voilée. Chandelle en se tenant derrière avec les mains et en essayant de ne pas péter de stress. Équilibre sur la bombe que toute la classe réussissait parce que le risque de tomber à cheval dessus et de se retrouver avec les coucougnettes comme des gaufres de Liège devant tout le monde, ça motive. Et pour le premier de la classe, le feu d'artifice final, le trépied, qu'il fallait admirer très vite parce que le temps que le public regarde, le type était déjà par terre, écrasé en tas comme un crottin de cheval. En cinquième primaire, grâce à mes parents qui m'avaient déjà acheté mes pantoufles pour la sixième, une pointure trop grande, c'est moi qui ai été le héros de la fête. Lorsque, soucieux de donner toute mon énergie dans mon exercice, j'ai lancé mes pieds pour faire la roue, ma pantoufle de gym a filé dans le public sur le front du curé de la paroisse venu soutenir les jeunes athlètes. Cet exercice de tir, ajouté à l'improviste au programme, m'a permis de faire deux découvertes. Un, une pantoufle de gym lancée sur un curé se transforme en boomerang quand il est fâché. Et deux, l'haleine d'un prof de gym qui vous hurle dans le visage après un numéro de fête scolaire sent plus le pelel que la Johnson Starfield. Je vous remercie. Dominique Watrin. Et les enfants de cœur, ne les manquez pas ce dimanche. Ils seront de retour sur Vivacité à partir de 9h dimanche matin. Et vous pouvez assister aux prochains enregistrements. D'ailleurs, vous retrouvez toutes les dates et toutes les infos sur vivacité.be. Ce soir, il y a du sport au programme. Juste avant de vous laisser l'antenne, Olivier, je vais quand même féliciter Mina Vilvoorde. Elle repart avec 4 entrées pour aller au domaine du château de Senef. C'est sympa à faire. C'est très sympa. En plus, il va faire beau ce week-end. Donc oui, c'est l'occasion d'y aller. Il faut profiter. Je ne sais pas si elle aura déjà les entrées, mais enfin bon, on verra. Je passe chez elle les ce soir, Mémorial Van Damme et du foot à suivre. Oui, 40e Mémorial Van Damme à suivre en direct sur Vivacité. David Bertrand sera au commentaire de ce grand rendez-vous d'athlétisme. Et puis vous le disiez, hein, foot, Westland Beveren Club de Bruges, match d'ouverture de la 6e journée de Jupiler Pro League. Ça aussi en direct et grâce cette fois à Ebi Brouzakis. Donc programme sportif effectivement ce soir sur Viva. Ah bah c'est drôle qu'on vous ait mis là. Allez, je vois que vous avez besoin de repos. Allez, bonne soirée, c'était bon un week-end. Plaisir quand même. Mais je vous aime en vrai, Olivier. Moi aussi, allez. Bonne soirée. Ouais. Oh chérie, c'est ouvert. Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rode-Saint-Genèse, à côté de Deauville. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité.